Bienvenue dans un autre monde, celui qui est dans le vôtre. Celui que nous avons décidé de vous ouvrir la porte pour vous montrer notre passion. Jeux vidéo, jeux de rôle, cosplay, conventions, séries TV, ciné, anime, manga, science-fiction, Pokémon. Bienvenue dans Another World. Bonjour à vous, j'espère que vous allez très très bien, mon nom est Bafoulio, très heureux de vous avoir ici pour Another World. Another World, qu'est-ce que c'est ? C'est le podcast, on vous parle de tout, on vous parle de cosplay, de séries TV, de ciné, de manga, d'animé, plein de choses qui devraient vous faire plaisir. Tout ce que vous avez entendu sur le générique, c'est ce qui se passe en direct en tout cas. Allez, sur ce, je vais vous présenter mon équipe qui m'accompagne ce soir pour l'enregistrement de cet épisode 1.5. Pourquoi 1.5 ? Parce que voilà, le précédent épisode était un épisode pilote. Allez, on va commencer par la première personne. On lui demande de choisir une note entre 0 et 20 pour son devoir de maths. Elle a décidé de laisser faire la chance via un dé de 20. Et encore, c'est un dé pipé, c'est Tali. Salut Tali ! Salut tout le monde ! Ça va ? Pas fort bien. Bon, quoi de neuf depuis ces 15 jours qu'on n'a pas enregistré ce podcast ? Oh, pas rien de spécial, je crois pas de m'être perdu, je ne pense pas m'être fait avaler par n'importe quel dragon, ni rien, je suis toujours là. Bon, bah c'est parfait en tout cas. Allez, on va passer à une autre personne habillée normalement la semaine, le week-end elle devient Luffy ou un autre perso de manga ou d'anime, c'est Takala. Salut Takala. Salut tout le monde. Comment vas-tu ? Bah tranquille ma foi. Tranquille, bon, ça y est, t'es enfin arrivé pour enregistrer un épisode, enfin ? Ouais, je suis désolée de ne pas avoir été là, j'avais quelques soucis de technique, on va dire, et du coup, bah voilà, tout est réglé, me voilà. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir. Allez, on va passer à d'autres personnes. On va parler de ces deux mecs, les statues collectionnées par ces mecs valent 333 francs 1000 CFA ou encore ils vont bientôt dépasser le PIB du Yémen, c'est Ben et Benji. Salut les mecs. Salut. Tu te fous de moi pour le PIB du Yémen ? Ah bon ? Une figurine de Sensei, ça vaut déjà le PIB du Tibet, donc tu respectes. Ça dépend laquelle. Oui, ça dépend laquelle, c'est sûr. Mais en tout cas, ça va quand même, les mecs ? Bah bien, en direct de chez toi, c'est sympa. Bah ouais, parce qu'en fait, les mecs, ils sont pas venus sur le Mumble. En fait, on utilise un logiciel qui s'appelle Mumble pour avoir le monde en direct avec nous. Et en fait, les mecs, eux, ils ont décidé plutôt de venir chez moi. De venir squatter. Voilà, de venir chez moi et tout. D'ailleurs, les autres... Des squatteurs. Ouais, ils sont squatteurs, tout à fait. Squatteurs sauvages. Ouais, mais en tout cas, vous pouvez venir aussi, les gens, un de ces quatre, ceux qui font les chroniques chez moi, il n'y a pas de souci. Réunion du Père War chez Bafou le 19 décembre. Ah bah oui, assis dans une pièce de 5 mètres carré, ça va être sympa. Oh, ça va être... Personne n'oublie son tupperware. Ouais, personne n'oublie son tupperware, c'est sûr. Allez, on va passer... Avec de l'hydromel. Avec de l'hydromel, oui. Bien sûr. Allez, on va passer à une autre personne. Quand il fait le patron, on a peur qu'il montre ses pokéballs. C'est Pavel. Salut Pavel. Salut tout le monde. Comment vas-tu? Bah fort bien, ma foi. Bon, quoi de neuf depuis ta dernière chronique sur Pokémon? Il a attrapé un Pikachu sauvage. Je sais pas, j'espère que le patron au moins a pas fait trop de conneries, c'est tout. Bah, en tout cas, j'espère que tu t'es pas trop occupé du tout le Pokédex, quand même. Oh, déjà fait depuis longtemps, voyons. Ah, oh, d'accord, ok. Allez, qu'est-ce que t'y crois, gamin ? J'ai envie de dire, ce qui se passe dans la tête de Pavel, là, c'est avant j'étais schizophrène, maintenant nous allons mieux. Mais tout à fait. Nous allons tous mieux. Oui, je vois ça. Allez, on va passer à une autre personne. À toutes les questions de maths, elle répond 42, la preuve, 3x3, Clems ? 9. Oh là là là. Hey, Anna, c'est pas la blague, mais c'est nul. Clem, on recommence, je m'en fous. J'ai dit. Non, j'ai dit à toutes les questions de maths, elle répond 42. Donc Clem, 3x3. Attends, faut que ça monte au cerveau aussi. C'est moi la blonde ici normalement, hein, mais je sors de... J'étais en maths avant. Tali, sors de ce corps. Bon, 42, ça va être... Voilà, merci Clems, comment vas-tu? Mon dieu, elle a compris. Putain. Ça commence bien. Non mais en fait chez Clems, en fait, elle a pas beaucoup de connexion internet. C'est pour ça qu'il y a un petit retour, il y a un petit temps d'attente en fait. Ça va team à Clems quand même? Oui, ça va. Bon, bah c'est parfait. Ah, il fait chaud. Par contre, ouais, c'est vrai qu'il a fait chaud. Il a fait plus de 40 degrés. On a l'impression dehors. C'est incroyable. C'est incroyable. Il fait trop chaud. Ah ouais. Je suis une enfant chaud, de l'hiver. Cacao. Chaud chocolat. Carrément. Allez, sur ce, on va passer à la dernière personne. Il veut nous montrer ses dossiers, mais aucune allusion sexuelle à ça. C'est Jerry. Salut, Jerry. Salut tout le monde. Ça va? Oh, très bien. Bon. J'espère en T'as tout dit, cas. Il y a des personnes très soft. Ouais, il y a Jerry. En fait, lui, c'est le sage de la bande. En fait, ce mec-là, c'est le sage de la bande. Il est gros, très calme et tout. En gros, c'est le plus suspect. Très sage. C'est le plus moi. Suspect, c'est sûr. Ouais. Enfin, il peut être toujours peut aussi. Dominer le monde avec les chats. Mais non, c'est avec les boobies que ça se domine le monde. Ben oui, je suis d'accord. Par contre, pensez à parler dans votre micro, les mecs. Hein, par contre, n'oubliez pas de vous l'échanger. Il y en a un que pour deux, et c'est lui qui fait que de le garder. Ouais, ben ouais, je sais pas ce qu'il a. Par contre, Ali, tu nous fais du bruit. Tu nous fais du bruit, Tali, c'est horrible. Je t'ai coupé, comme ça, ça évite. Voilà. Allez, sur ce, on va commencer par toutes nos chroniques habituelles. Donc, dans cette podcast, quand même, on aura de la chronique animé-manga avec Ben et Benji. Il y aura Takala qui nous fera un petit côté cosplay et Vocaloid. Clems qui nous parlera de science-fiction. Moi qui parlera aussi de séries et d'animé. De séries et de cinéma. Il y aura Tali qui nous parlera de RPG. Il y a Jiri qui nous fera un bon dossier. Et puis, on finira par un petit débat Pokémon avec Pavel. Allez, on y va pour commencer avec Ben et Benji. Ben et Benji, est-ce que vous êtes prêts? Bah moi je suis prêt, après maintenant c'est moi qui ai le micro juste pour l'embêter. C'est ça, puisque la dernière fois c'est moi qui ai fait que de parler, donc cette fois-ci je sens qu'il va essayer de me baiser sur ça. Petit délinquant. Je vois ça, je vois ça. Monopolisé. Je vois ça, je vois ça. Bon, allez, vous êtes prêts quand même, messieurs, ou pas? Non. Ouais. Non, putain. Alors, les mecs qui sont jamais prêts, c'est incroyable. Allez, c'est parti pour le sport d'animé et. Enfin. J'ai dit que j'étais prêt. J'ai fait un spoil, c'est incroyable. Animé et manga avec Ben et Benji. La rubrique animé manga. La rubrique animé manga. Avec Ben et Benji. Bon bah bienvenue dans la chronique animé manga où Benji et moi-même on vous présentera des mangas et des animés en tout genre et de toute époque. Alors aujourd'hui au programme je me lancerai sur le manga Claymore qui est un des premiers mangas et que j'apprécie particulièrement. Et Benji lui parlera d'un manga dont il va vous dire le nom. Eh bien cette fois-ci comme je l'avais dit la dernière fois je vais parler de Naruto en bien et en mal. Oh attention, en bien et en mal carrément. Surtout en mal parce qu'en fait il est très méchant. Ah d'accord, ok, d'accord. Et puis on finira par... comme Bafou m'a spoilé, la rubrique des sports. Oh, attention. Donc, tu me mets l'opening de Claymore, s'il te plaît? Ah, tu veux l'opening de Claymore tout de suite direct, là? Oh putain, tu me prends deux cours, toi, tout de suite. Ah, bah, je t'avais dit, oh, le plan, oh là là. Ah, attends, l'opening de Claymore, il a... Eh, putain. Ce professionnalisme. Ah, t'es mignon, toi. Je te demande pourquoi il est pas chômage. Là, l'opening de Claymore. C'est bon. Il se diffuse, il est là. Ah, voilà. Du coup, je peux pas dire en même temps? Oui, bah oui, tu peux, hein, vas-y. Alors, Claymore, ça a été écrit par Norihiro Yagi et ça compte 27 tomes à ce jour. Donc, la série est terminée au Japon. Alors, il a d'abord été publié dans le Monthly Shonen Jump. Donc, le Monthly Shonen Jump, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un magazine qui sort au Japon tous les mois et qui s'adresse à un public masculin et principalement adolescent, d'où le nom Shonen. Donc, la publication s'est faite entre 2001 et 2014 et il y a un animé qui a été créé en 2007. Qui comprend 26 épisodes d'une durée de 25 minutes. Donc la durée classique d'un animé. Donc l'animé, par contre, il diverge du manga à partir du chapitre 60. Et la fin qui s'ensuit ne correspond pas du tout à la suite du manga. Donc le prochain tome, que j'attends avec impatience, il sortira le 1er juillet. Et édité par la maison d'édition Glénat. Donc ça se passe dans un monde fictif et fantastique. Précisément plutôt dans l'époque féodale. Il y a les deux qui sont en train de se faire. Non mais vas-y, mais non mais continue pendant ce temps-là, moi je demande à boire. Alors du coup faut pas espérer croiser des robots géants ou des fusils d'assaut, on n'est pas dans Transformers. Hein. Il y a l'humanité qui est menacée par une menace grandissante. Bon, je me suis fait un fail mais c'est pas grave. Et loin d'être tranchée derrière des murs, elle ne peut pas se défendre. On n'est pas dans la SNK non plus. Donc la menace, c'est des démons qui pullulent parmi la population et qui ont la particularité de se camoufler en humain et peuvent acquérir des caractéristiques psychologiques et physiques des victimes dont ils dévorent les entrailles. Autant dire qu'il y en a pour tous les goûts. Donc suite à ça, une organisation sans nom se lance dans la déclaration de Claymore. Donc les Claymore sont des femmes qui ont intégré la chair et le sang d'un démon. D'où leur force, leur rapidité et leur agilité qui sont de loin supérieures à n'importe quel soldat et surpassent même celles des démons eux-mêmes. Elles ont aussi des yeux argentés, donc ça c'est plutôt spécial par rapport à des humains, qui leur permet de différencier les humains des démons. Et elles tirent leur nom d'une immense épée qu'elles manient avec une main ou deux mains, ça dépend de leur style de combat, qui s'appelle une clémore. Sauf qu'elles ne sont pas recueillies en héroïne, car elles sont mi-humains, mi-démones, et elles sont juste tolérées, car elles ont pour consigne de jamais blesser un humain, quelles qu'en soient les conditions. Donc on doit dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, elles diront jamais rien. Sans aucun sous-entendu. Donc c'est ainsi que nous suivrons l'histoire de Claire, la numéro 47 de l'organisation, avec Raki. Donc c'est un jeune humain qui a été sauvé par Claire, car il a eu sa famille massacrée par un démon, et il l'identifie alors comme étant sa seule amie. Et elle-même apprendra de Raki à maîtriser sa force de démon en conservant son humanité, car le destin d'une clémore est bien plus sombre qu'il n'y paraît. Mais je vais pas vous cacher la suite de l'histoire, je vous laisse le loisir de découvrir par vous-même. Donc là, tu me mets l'ending de Clémore, s'il te plaît, parce que j'ai l'impression que t'es très doué niveau organisation. Tu m'avais donné que l'ending. Et c'est le fail. Ah non, mais attends, le mec il me dit, attends. Non, mais les gens, c'est incroyable. Tu me mets l'opening avant et tu me mets l'ending. Bon, c'est pas grave. Ah non, tu manques d'organisation. Attends. J'ai une excuse. Le mec il m'a dit, tu me mets ce son là. Je l'ai dit, qu'est-ce que tu m'as donné et j'avais que l'ending. Non, cette fois-ci je suis témoin et je défends Bafou. Merci. J'ai envie de dire, j'ai discuté avec Bafou l'autre jour et je lui ai dit, tu me mets l'opening à tel moment, l'ending à tel moment. Et lui il m'écoutait, oui, y'a pas de soucis, t'inquiète pas, je te ferai ça, je suis trop chier. L'autre jour c'était quand en fait? C'était hier, avant-hier. Je tiens à rappeler que Bafou avait demandé les liens et que tu ne lui en as envoyé qu'un. Non, merci, j'ai tout envoyé. Merci. J'ai tout envoyé, madame. Je proteste. Objection. Je tiens à préciser qu'on nous entend et que éviter de se disputer pour ça, quoi. Non, mais Clem, t'inquiète pas, de notre côté, ça sera coupé au montage, y'a pas de soucis, y'a du montage derrière. Moi je m'en fous, y'a pas de soucis. Ouais, là on est en live, on peut faire des conneries. Bah si tu veux. Mais là on est un peu en live. Oui, ben, là, bon, on est en live, je continue pas foutu de tête. Ce qu'on fait, hein. Ouais, bon, c'est pas grave, on s'amuse, on c'est est là. Fou, ouais. Pour ceux qui nous écoutent, bienvenue dans Another World. Voilà, c'est une bonne ambiance, tout le monde s'entend très bien, y a pas de soucis. Non, c'est que de l'amour c'est entre toi, nous, hein, je vous rassure. C'est de l'amour vache, hein, je t'aime, mon nom. C'est de l'amour vache, voilà, on s'aime bien, y a pas de soucis, c'est pas vrai, moi je vous aime pas. En fait, tu vois, ça tombe bien, on t'aime pas non plus, on n'osait pas se dire. Personne. Pas du tout. Hein. Bon. Ça fait combien d'années que je te supporte, hein, franchement. Oh, effoiré, Jiri. Enculé. Bon, allez, la suite. Vas-y, raconte la suite. Donc là, je vais vous parler de mes impressions. Donc à la base, cet animé me tentait pas du tout parce que j'en ai entendu parler en étant très tout jeune. Et c'était pas un genre que j'appréciais particulièrement. Donc je me suis dit, je vais peut-être laisser ça à plus tard. Et finalement, c'est ressorti. Et comme je sais qu'il faut pas juger sur les apparences, j'ai décidé de m'y mettre et je regrette franchement rien. Donc tous les personnages, je trouve qu'ils ont une personnalité propre et ils n'hésitent pas à charger en émotion les différentes scènes de l'anime et du manga. Et même si la fin de l'anime me plaît pas vraiment, je la trouve quand même assez cohérente et pas bâclée comme la plupart des animés quand ils ont plus beaucoup d'épisodes à faire. Et c'est juste qu'elle me paraît un peu surréaliste par rapport au reste. Hein. Sans spoiler, il y a des volcans et tout. Enfin, voilà, on va rester ici. Benji, tu veux dire un truc ? Hashtag Michael Bay. Ouais, on va dire ça. Mais dans le fond, l'histoire est très intéressante. Les dessins sont franchement bien réussis. Et l'auteur n'arrête pas de s'améliorer tout au long du manga. Et il y a de nombreux rebondissements qui sont souvent inattendus. Et qui, à certains moments, nous montrent toute la cruauté du monde. Et où les forts gagnent. Et les faibles ne se remettent de leurs blessures que s'ils ne meurent pas. Et j'attends, donc, comme je l'ai dit, avec impatience le tome 26, et j'espère y trouver la réponse à de nombreuses questions qui se posent tout au long du manga. Donc par exemple, sans spoiler, d'où viennent les démons, pourquoi sont-ils ici, comment a été créée l'organisation et pourquoi les clémores, mais aussi qui sont arrêtés les hommes en noir qui se chargent de leur transmettre des missions et informations sur les démons. Et donc c'est là que je vais laisser le micro à Benji qui va vous parler de Naruto. Ah, ok, donc c'est parti pour Naruto, donc Benji. Ouais, bah fais péter le générique. Eh bah le Vlad, y'a pas de soucis. Hop, si ça va bien lancer, voilà, il est lancé d'habitude, si tout va bien. Voilà. Ok, le Vlad. Donc, comme vous l'a dit Ben, moi je vais vous parler de Naruto, qui est... What? On a dit trois fois que t'allais parler de Naruto. Je pense qu'à un moment, ils ont compris. Oui, mais je cherche à me mettre dans le bain et essayer de faire un bon lancement. Donc, je vais parler de Naruto ainsi que de Naruto Shippuden. Et je glisserai un petit mot à la fin sur Naruto Gaiden. Donc, d'abord, Naruto, c'est un shonen. Donc, comme vous l'a dit Ben, ça signifie adolescent. Le shonen regroupe différents mangas destinés à un public d'adolescents, principalement masculins. Il a été publié dans Jump Weekly. Donc c'est le même magazine sauf qu'il paraît chaque semaine au Japon. C'est un véritable phénomène culturel là-bas. Ce magazine regroupe tous les nouveaux chapitres des mangas les plus populaires et paraît comme je viens de vous le dire chaque semaine. Il présente aussi les nouveautés. Donc le manga a été publié entre octobre 1999 et novembre 2014 et écrit par son auteur. Ah, je vais y arriver. 1, 2, 3. Allez, tout va bien. Et son auteur est Masashi Kishimoto. Voilà, ça y est. À tes souhaits. À tes souhaits. Merci. Donc, en 15 ans, il a connu de nombreuses adaptations en animé qui comptent aujourd'hui 634 épisodes, dont 10 films, ainsi que 10 films, et il y a en tout 73 tomes. Donc, c'est une belle série. Donc, Naruto Uzumaki, c'est un aspirant ninja dans le village de Konoha. Naruto est un cancre qui ne fait que des bêtises et donc il est rejeté par les habitants du village. Mais il cherche à devenir Hokage, qui est le ninja le plus puissant du village, ainsi que le chef. En gros, c'est une dictature. Et il cherche à obtenir ce... Hashtag Staline. C'est ça, hashtag Staline. Sauf que Staline n'était pas si balèze. Non, il était pas si balèze. Il mènera différents combats et durant l'un d'entre eux, on apprendra qu'il est l'hôte du démon renard à 9 queues qui avait attaqué le village 10 ans auparavant et que le 4e Hokage qui avait donné sa vie pour le sauver. Donc, étant donné qu'il est l'hôte d'un démon, il est extrêmement puissant et il est capable de faire de recourir à sa puissance. Donc, il obtient son diplôme de ninja, qui est celui du Genin. Donc, en gros, il vient de passer en primaire. Ça fait bizarre. La primaire du ninja, carrément. Oui, c'est ça. Il était en maternelle, maintenant, il passe en primaire. D'accord. À 12 ans. D'accord, ouais, c'est fort. À 12 ans, ouais, en sachant qu'il... pétez la gueule, hein, alors calmez-vous. Ouais, ça, c'est vrai. En sachant que le mec, je précise, il a 2 ans de retard comparé à tous les autres, en sachant que les autres ont le même âge. Ok, d'accord. Voilà, Primerception. Donc il entre dans l'équipe 7 avec Sakura Haruno ainsi que Sasuke Uchiwa, dont Sakura Haruno est éperdument amoureuse de Sasuke et Naruto est éperdument amoureux de Sakura, et Sasuke il en a strictement rien à foutre. Ils sont tous sous la... Et leur sensei, le chef de l'équipe 7, est Kakashi Hatake. Donc ils mèneront de nombreuses missions qui seront principalement ramener des animaux aux personnes les ayant perdus. Ou alors, faire des missions d'escorte qui ne serviront strictement à rien. D'accord. Cela dit, après ces missions, les couvrant de gloire, mm-hmm. ils auront droit, comme ils ont des résultats exceptionnels dans ces missions, ils pourront passer l'examen de Chunin. Donc en gros, ils passeront au collège. D'accord. Un peu plus tôt que tous les autres, puisque tous les autres aspirants Chunin ont environ 17 ans. Et eux, ils en ont 12. Donc, c'est sympa. Donc, ils participent au concours de sélection des Chunin. Et durant ce concours, ils rencontreront différentes nouvelles équipes. Et Naruto fera la rencontre de nombreux ninjas bien plus puissants que lui. Je pense principalement à Lee, Neji ou même Gaara, pour ceux qui connaissent la série. Donc, durant l'une des épreuves de ce concours, il rencontrera aussi Orochimaru, qui est un ancien ninja de Konoha et un criminel extrêmement dangereux qui a comme petite manie de faire des expériences sur les humains. C'est pas très cool tout ça. Donc il cherche à obtenir le pouvoir de Sasuke, car Sasuke est un membre du clan Uchiwa. Et la particularité de ce clan est d'utiliser le Sharingan, qui est une pupille magique, on va dire ça comme ça. Donc grâce à cette pupille, ils peuvent copier les techniques ou bien voir les aspirants, enfin les prévoir les mouvements que l'adversaire va faire. Donc c'est plutôt craqué. Cela dit, Naruto arrivera au bon moment, comme comme dans tout bon shonen, il parviendra à sauver Sasuke. Et même si Sasuke aura bien morflé, il parvient à battre Orochimaru sur ce coup-là. Mais Orochimaru parvient à... Avant de se barrer à Sasuke, un immense pouvoir qui va lui... qui pourra lui servir pour se venger d'une certaine personne dont on ne connaît pas l'identité, mais que Sasuke nous révèle avant qu'il son souhait le plus cher est d'éliminer une certaine personne. Tant de violence dans ce monde. C'est ça. Donc, mais Sasuke, on découvre qu'il a un côté un peu plus sombre dans ce cas-là, et il décide de rejoindre Orochimaru. Donc, Naruto, il fait « Bah non, je veux pas, t'es mon meilleur ami. » Parce que t'es le premier joint avec lequel j'ai réussi à tisser des liens. Mais Sasuke dit je m'en fous, je veux me barrer et récupérer le pouvoir magique pour ensuite buter certaines personnes. Donc ils vont se foutre sur la gueule et voilà comment c'est fini la première série de Naruto. Donc je vais passer un petit mot sur l'animé. Donc pour l'animé, hormis une animation arriérée, les combats restent tout de même extrêmement dynamiques, l'humour est toujours présent, même dans les hors-séries, en sachant que la série compte 220 épisodes et qu'il y a environ 100 hors-séries. Donc à mon avis, le principal but est de rentrer le pognon. Cring cring. Il y a finalement pas grand chose à redire. Mais sur l'anime. Dans la popoche. Ouais, voilà. Ça c'est clair. Le milliard. Il y a finalement pas grand chose à redire sur le manga ainsi que sur l'anime. Par contre, c'est pas vraiment le cas du deuxième. Donc maintenant, je vais passer à Naruto Shippuden. C'est là où on va rigoler. Attention au spoil. Ah. Non, t'inquiète pas, j'ai prévu la spoiler. Hein. Bah. Comment tu veux que Attends, ça va venir. Attends, juste une question. Comment tu veux que j'arrive à résumer Naruto, la toute première série, sans spoiler quelques trucs, même si j'ai essayé d'en spoiler le moins possible. J'attends ta réponse. De toute façon, il y a tellement de rebondissements. C'est ça. Et encore, j'ai pas parlé des persos qui, pour moi, sont extrêmement importants. Bouclé. Voilà. Donc du coup. Là c'est la série continue dans, enfin c'est la continuité de la précédente, donc elle débute au tome 28 et finit au tome 73. Donc je tourne ma page. Ouais, pour ceux qui voient pas, en fait, parce qu'en fait les mecs sont chez moi et le mec il a prévu 5 pages, quoi. L'encyclopédie en 5. Non, que 4. Merci Wikipédia, moi j'ai envie de dire. Hein, ma gueule. Ça, c'est pas de la préparation, franchement, moi je sais plus. Hein. Ben non, sérieux, j'ai dû dévirer toutes mes 64 tomes de Naruto là pour le coup. Ah, ça va. 64 ou 63, je sais même plus auquel on est. C'est pas grave. Beaucoup trop. 64, merci. Donc Orochimaru ne sera plus le principal. 65, je sais plus. 64 ou 65, putain, vous faites chier les gens. Donc Orochimaru ne sera plus le principal ennemi dans cette saison. Une organisation secrète fera son apparition, l'Akatsuki, qui est pour moi l'un des gros points forts de cette saison, sauf à la fin. Donc elle cherche à rassembler les différents bijoux, donc ce sont des créatures légendaires qui accordent un immense pouvoir à celui qui les détient. Il y en a 9 au total, de Shukaku, dont l'autre fut un ancien ennemi de Naruto, jusqu'à Kyuubi, autrement dit le démon de Naruto. Donc les membres de l'organisation vont donc s'en prendre à lui à maintes reprises, quitte à attaquer directement son village. Et là, bon, attention spoil, il va rencontrer Pain, qui est le chef de l'organisation. Pour moi, c'est l'un des meilleurs personnages de la série, car il est extrêmement bien écrit, il a vraiment un but, ce personnage, et son but, c'est d'apporter la paix. Sauf que lui, il a pas la même conception de la paix comme Naruto. Lui, c'est plus... si vous êtes pas d'accord avec moi, je vous bute. Pour moi, c'est... La paix, c'est quand il n'y a plus personne pour faire la guerre. C'est ça, voilà. En gros... Mais c'est pas mal. Ouais, mais tu le comprends pourquoi il arrive à ce raisonnement. Puisqu'il a été... il a connu une enfance pas très cool. Je vais rien vous dire là-dessus, juste qu'elle est pas très cool. Et donc, il cherche à faire connaître la même souffrance qu'il a eue aux autres. Comme ça, il comprendra que la vie, faut la savourer pleinement. Ah, c'est un peu comme dans Saw. Allez, partage. C'est ça, sauf que dans Saw, c'est beaucoup plus sale. Là, c'est plus soft. Ouais. C'est pas un seinen. Ouais, bon. Non, mais Naruto, c'est pas le même public aussi. Aussi, Naruto, c'est pas un seinen. Et du coup, il demandera à Naruto comment compte-tu apporter la paix à maintes et maintes reprises. Et là, vous attendez bien sûr à ce qu'il réponde l'amitié, l'amour. Et bah, spoil. Il répond que pouic. Il dit juste que son nom vient d'un bouquin que leur maître commun avait écrit. Vous pouvez me dire le rapport qu'il y a entre un bouquin tout foireux que j'ai lu et que je trouve absolument digne d'un nanar et la paix dans le monde. Perso, j'en trouve pas. Ouais. Donc ça, on arrive à peu près à la moitié de Shippuden, à peu près. Donc là, en fait, on est à un quart du podcast, voilà. C'est la chronique de Benji. Bah t'es malin, toi, t'as un tome qui fait... Enfin, t'as une série qui fait 26 tomes, moi j'en ai une qui fait en tout 73 tomes. Et encore, il continue. Voilà. Donc mets-toi en boule. En boule. Et la prochaine fois, tu prends One Piece. Non, parce que je prévoyais de prendre One Piece, sauf que ça part tellement en couille en ce moment, c'est digne de Bleach. Et c'est... Waouh. Perso, j'ai un peu de mal à suivre en ce moment. Bleach ou Fairy Tail, là aussi. Non, Fairy Tail, en ce moment, je trouve que l'auteur, il se rattrape. Même si ça reste de la merde, je trouve que l'auteur, il se rattrape. Donc, ça reste de la merde. Ça, c'est direct. Voilà, ça, c'est fait. Ça parle mal. Ouais. Aucun respect. Voilà, y a pas de respect. Du coup, vous pouvez me laisser finir, s'il vous plaît. Ouais, non, mais vas-y, fini. Il me reste une page et demie, je suis gentil. Pour une fois, tu peux parler. Tu veux réécouter le podcast de la dernière fois. Voilà. Ouais, je me vends un petit peu. Voilà, c'est ça. C'est de bonne guerre, j'avoue. Donc, désormais, attention. Pour montrer à quel point la fin se rapproche d'un nanar, je serai obligé de spoiler parfois. Donc, désolé pour les gens n'ayant pas encore vu ou lu la fin de la série. Et pour les fans les plus hardcore, me tapez pas parce que je parle pas de perso que vous kiffez. Attends, excuse-moi 30 secondes, parce que maintenant on a un chat aussi sur le live. Et je vois Empereur des Balignons qui est en train de marquer. Il a dit Bleach. Et Takala qui répond. Vas-y, Takala, je te laisse répondre, donner ce que tu viens de dire. C'est Bleach, mais il sait pas parler. Voilà. Si, j'ai bien dit Bleach. Non, t'as dit Bleach. Ah merde, ah putain. C'est le whisky de tantôt, voilà, c'est ça. Ouais. C'est le shot. Ouais, c'est le shot. Parce qu'en fait, ils sont venus déjà cet après-midi, pour vous raconter vite fait. En fait, ils sont venus cet après-midi parce que monsieur avait un problème chez son opérateur et il voulait venir. Il avait un problème, en fait, il avait pas assez picolé. Voilà, et en fait, il en avait marre et tout, quoi. Voilà. Allez, continue. Merci, c'est gentil. Donc du coup, le scénario de Naruto se casse littéralement la gueule. L'auteur ajoute de plus en plus de personnages useless, des méchants tous plus inutiles les uns que les autres et tous plus ou moins charismatiques. Pour moi, il y a que le charisme de Madara qui sauve la série. Madara, on l'entend beaucoup parler déjà au début de Shippuden et même vers la fin de Naruto. Donc je vous laisse découvrir ce personnage qui est pour moi mon personnage préféré. Même dans le... Qui pour le coup c'est vraiment un antagoniste comparé à Sasuke qu'on essaye maintenant de faire paraître comme un antagoniste. Non, c'est rien. Mm-hmm. c'est juste une petite diva, voilà. Ouais, ok, ouais. Donc l'anime nous retranscrit bien cette tension lorsque Madara apparaît pour la première fois et qui fait bobo. On a aussi... Ça, je suis sûr que tous les lecteurs de Naruto ont pété leur câble au moment de la révélation de l'identité d'un certain personnage, masqué, dans le tome 63. Alors qu'il nous l'était présenté déjà depuis le tome 27. Voilà. Et je précise que perso, j'avais dit ni qui c'était, moi. Oui, moi aussi, bah c'est pas compliqué, c'est son nom à l'envers. Exactement. Voilà. Son nom à l'envers. Oui, Toby. Tu le mets à l'envers. Et tu rajoutes une lettre. Voilà. Du coup, à la fin, à la toute fin, on a droit à 5 boss finales. C'est comme si dans Megaman vous affrontez 5 fois le docteur Willy. C'est sympa. Bon, les trois premiers. Il y en a plus, il y en a encore. Voilà. Bon, c'est pas grave. Donc, on va faire un. Je vais vous montrer à peu près quelle quantité ça prend les combats. Donc, les 3 premiers personnages, ils équivalent à peu près à 4 tomes. Le 4ème, 1 tome. Et le dernier combat, c'est 3 chapitres. C'est cool, paye ton boss final. Ouais, c'est un peu comme dans Olive et Tom, quoi. On y arrive. Ouais. Non, mais c'est le même système, là, quand t'as les mecs qui mettent 2 épisodes pour traverser le terrain. C'est pas faux. Sauf qu'il n'y a pas 5 attaquants dans l'équipe. Après, l'entraîneur, il fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Du coup, pour finir, je vais simplement résumer que le conseil, que le manga se casse la gueule à partir du conseil des 5 et bien sûr l'arc de la guerre, qui est totalement chiant et débile à certains moments. Toutefois, le manga reste agréable à lire et ainsi qu'à regarder, même si l'anime n'a connu pas vraiment une révolution graphique notable, on va dire. La traduction des attaques aussi n'était pas nécessaire, puisque dans la première série, on entend bien Rasengan ou Chidori, où maintenant ça devient les mille oiseaux, enfin l'orbe tourbillonnant ou les mille oiseaux. C'était pas nécessaire. Toutefois, faut bien noter que l'éditeur, il mettait une pression immense sur Kishimoto. Bon, faut bien ramasser le pognon, c'est pas faux. Et cela se ressentait vraiment son travail, même, tu sais, quand tu lis les mangas, tu sais, t'as toujours le petit mot de l'auteur. Oui. Eh bah, tu sentais que le gars, il était en dépression et qu'il devenait alcoolique. Hein. Ah ouais, d'accord, ok, oui. Ouais, sans rien, le gars. Là. Ah non, mais le gars, il est au bord du suicide, là. Hein. D'accord. Qu'est-ce que l'éditeur qui veut le tuer s'il continue pas. C'est ça. C'est clair. Coup, c'est comme Dragon Ball, hein, ils sont en train de faire une suite là. Non mais c'est pas possible. La suite, je vais y jeter un œil parce qu'elle m'intrigue quand même. Moi je suis un assez grand fan de DBZ et. Moi aussi justement le Dragon Ball là, j'ai vu quand ils avaient vu quand ils allaient faire une suite, j'avais vu, je me suis dit mais putain, faire une suite de Dragon Ball, mais pourquoi? Bah c'est non, pas compliqué, tu rajoutes un nouveau méchant, il arrive sur Terre, les Goku et Vegeta ils lui cassent la gueule, il y en a un nouveau qui arrive et ainsi de suite. Jerry, tu disais? Ouais mais ça va prendre la continuité du film là avec le God là. Donc c'est que ça va être à putain de niveau. Hein. Ouais mais le Battle of God, j'avais bien aimé le méchant, il était magique. Il était tellement... It's Kishi, il était génial. Excusez-moi, ça a surtout fait la continuité avec le dernier film qui est la résurrection de Freezer, en fait. Hein? Justement. Ouais, non, mais j'ai pas compris cette histoire avec le Freezer doré, là. Bah, en fait, il a été ressuscité parce que ses sbires ont rassemblé les 7 boules de cristal, je crois, et puis tout simplement, bah... il est ressuscité et plus puissant. Ouais mais je sais pas c'est quoi ce dessin, ce film que j'ai jamais vu. Ouais, mais moi non plus, je connais pas. En plus, le mec, il fait une nouvelle transformation Sangoku avec des cheveux bleus, je crois, c'est ça? Oui. C'est ça. Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils font, ils ont fumé quoi, les mecs, là? Non, mais moi, je parlais pas de ce film. Moi, je parlais pas de ce film. J'adore le terme de la nouvelle transformation Sangoku, c'est le Super Saiyan, God Super Saiyan. Ouais, mais moi, je parlais pas de ce film-là, je parlais plus du film avec le méchant où c'est le dieu de la destruction. Parce que le Freezer doré, il est naze. Enfin... Freezer, on l'a déjà vu. Ce truc-là est sorti. Ce truc est vraiment sorti là avec le Freezer doré là. Oui. Mais moi, je pensais que c'était genre l'intrigue de la série quoi. Putain, je sais pas. Faut que je trouve ça. C'est pas le prologue ou quelque chose. Je sais plus. Bon, dans tous les cas, je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec Freezer, bordel. Le mec, il est dépassé de pas possible. On s'en fout. Dans tous les cas, vous pouvez me laisser finir ma chronique. Je suis bientôt. Parce que là, on y est à 3 quarts d'heure. Là. Ouais. On va faire quand même. Bon, du coup, la fin, elle est juste naze. Voilà, elle rassemble des tonnes de clichés. J'aurais pu espérer. Bon, sérieux, j'espérais vraiment mieux de la suite. Donc désormais, il y a Naruto Gaiden qui est sorti. Donc les 3 premiers chapitres me donnaient vraiment de l'espoir. Je dis bien vraiment de l'espoir. Bon, j'ai lu les derniers, c'est bon. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête d'espérer. Toutefois, c'est quand même Naruto, c'est quand même l'une de mes séries préférées. Donc, même si je pense que ça va être la suite va être vraiment nanar, je crois que je vais continuer à la lire puisque tout voilà, c'est l'un de mes tout premiers mangas. Donc, il a tout de même une place sentimentale. Voilà. Toutefois, n'oubliez pas d'acheter les mangas. Car j'avoue que les scans en ligne, c'est vraiment pratique, mais ils remplaceront jamais un vrai manga papier. Voilà. Ah, okay, oui. Oh, c'est mignon. La fin, elle est mignonne, elle est très mignonne. Bon, il y a Ben qui voulait dire un dernier animé, si je me rappelle bien. Oui, alors du coup, par contre, on va faire un peu court. Donc là, sans transition, c'est l'heure de la page des sports, et Benji qui mange des chips à côté de moi. Alors, jingle, musique des sports. Let's try now. Moi je dis c'est du générique de l'amour quand même. J'adore mon jingle. J'adore. Tu peux pas savoir au combien j'ai envie mon de te jingle. Tuer là. Mon jingle. Ouais, c'est quand même moi qui j'ai envie de te prendre court. Mais pourquoi Thalie? Non mais sérieusement, Olive et Tom. Sérieusement. C'est pas moi. Alors. T'aimes pas que des poussins soient totalement drogués. Attendez. J'ai une excuse pour ça, pour Olive et Tom. C'est Ben. Il m'a envoyé en fait un message ensemble qui m'a dit. Eh non mais s'il te plaît, il faut que je fasse une fausse chronique de sport et tout. Est-ce que tu peux mettre le truc d'Olive et Tom, etc. et tout. Mais j'ai dit non mais attends, faut pas rêver. Non mais attends, ça va pas le faire. Mais si, s'il te plaît. Avouez voilà. Que ça rend quand même tellement bien. C'est tellement magique. Non, j'ai juste envie de te tuer là. De toute façon, c'est ma chronique, tu te tais et t'as même ce vol de micro. Non, mais j'avoue que le Kuroko et le Achille 21, ils passent juste tellement bien. Mais le Olive et Tom, il est magnifique. Je suis d'accord avec Ben là, il est magnifique. C'est l'amour. Merci, c'est trop d'honneur. Bon, sinon, alors, allez, quand même. On y va. Alors, vous y attendez sûrement, étant donné la période de Roland Garros, que nous parlions de Prince of Tennis, Happy ou encore Je sais tes matchs, qui sont tous les trois des animés de tennis. Mais on parlera pas de ça. Aujourd'hui, préparation à l'Eurobasket 2015 avec Kuroko no Basket. Et là, opening de Kuroko no Basket. Ah oui, putain. Voilà. Ah ouais, mais il fait chier, attends. Heureusement que j'y pense. Faut-il le dire à celui-là hein. Ah ouais, non, mais hey, je suis partout aussi d'un autre côté. Hey, je vous rappelle que c'est moi qui est quand même au montage et tout. Voilà, quoi, vous êtes mignons hein, d'un autre côté. Hein. Toi qui passes pas le générique de DBZ tout pourri. Oh, mais il est bien le générique de DBZ. Tous les génériques de DBZ sont bien. Même bien armé. Même les Andy. Pas en français. Mais non, oui, pas en français. Mais non, c'est. Voilà, bien. C'était qui la connasse qui chantait déjà? C'était. C'était Ariane. C'est vrai? On me vole ma chronique. Mais putain, faut la buter celle-là. On me vole ma chronique. Bon alors, écrit et dessiné par le grand champion en titre et tu te tais s'il te plaît, merci. Non, je regarde. Non, alors. Donc, c'est écrit et dessiné par le grand champion en titre. Ah, la petite référence. Tadatsushi Fujimaki. Avec un palmarès de 3 saisons de 25 épisodes chacune, pour un total de 30 tomes. Cet animé se classe haut dans le classement de l'histoire du sport, dans les mangas et les animés. Il m'a d'ailleurs tapé dans l'œil et m'a provoqué l'envie de jouer au basket en rêvant de tirer à 3 points à l'autre bout des terrains. Et là, je suis suffisamment nul en sport comme ça, donc je vais pas me ridiculiser. Et là, je vais devoir me concentrer de les regarder à travers cet animé. À l'heure où je vous parle, j'ai pu assister à de nombreux matchs qui m'ont emmené au milieu de la saison 3, diffusée par Kazé. Celle-ci d'ailleurs en cours au stade de l'internet avec un score de pas moins de 22 épisodes, ce qui est plutôt pas mal. Tetsuya Kuroko, donc je vous dis un peu le speech, et il va y avoir des noms compliqués, donc vous verrez ça au fil de l'animé ou du manga, en sachant que normalement c'est la même histoire. Je sais pas, j'ai pas encore lu le manga, j'ai vu que l'animé pour l'instant. Donc c'est un jeune lycéen de la génération Miracle, l'ancienne équipe du collège Taiko, invaincu regroupant ses jeunes talents du nom de Shintaro Midorima, Ryota Kise, Daiki Aomine, Seijuro Akashi et Atsushi Murasakibara. Faire des noms plus longs que ça, c'est pas possible. Fait désormais partie de l'équipe du lycée Seirin. Donc oui, c'est même lycée qui avait fait presque partie du top 3 avant son recrutement, mais qui devrait avoir toutes ses chances avec Kuroko à leur côté. D'autant plus qu'ils ont aussi recruté le joueur Taiga Kagami et ce duo semble très prometteur. Et oui, mon cher Michel. Mais n'oublions pas que les équipes qu'ils vont affronter au cours de leur carrière sont très fortes elles aussi et recèlent de joueurs en capacité hors normes. Mais jusqu'où ira Seirin, qui sortira vainqueur du tournoi opposant les anciens joueurs de la génération Miracle entre eux? Qui est le meilleur joueur, toute équipe confondue? Vous comme moi ne serons qu'à la fin des championnats. Je voulais dire qu'à la fin de cette série. Donc là, tu me mets l'ending du Kuroko no Basket pour que ça fasse une musique épique. Ok, c'est tout? Et c'est le bug. Et non, au niveau de mes impressions, alors je compte vraiment me mettre au manga, mais je sais pas si je vais acheter toute la série, j'en ai encore déjà pas mal à acheter. Et je suis pas sportif, mais c'est un des sports que j'apprécie le plus, et surtout que ça regroupe ma passion pour les mangas et les animés. Donc j'ai pu trouver là un duo assez explosif, avec de nombreuses péripéties et de nombreuses surprises tout au long de la série. Alors les joueurs ne se laissent jamais abattre, et toute cette équipe, tout cet esprit d'équipe, oh mon dieu, j'ai du mal à parler, me donne envie de tenir un ballon et surtout de m'entraîner pour ne pas rater la tête de Bafou. Ce sera pas dur puisqu'il est rasé. Je t'emmerde. Non, je plaisante. Donc les mangas et les animés passeront toujours avant, hein, et surtout que c'est les vacances, donc je vais pouvoir me lâcher. Je serai enfermé dans ma chambre de 8h à 8h du soir, ce qui ne veut absolument rien dire. Et du coup, petit mot de la fin, voilà, je compte prendre en compte vos avis, donc n'hésitez pas à proposer des mangas ou des animés que vous voudriez que je traite au cours de ma chronique, et non pas traire comme les vaches, hein, voilà, s'il vous plaît. N'importe quel thème. Par contre, je précise, je ne prends pas les yaoi, hein. Pour moi, ça n'existe pas. Les yuri encore à la limite, pourquoi pas, mais pas les yaoi. Attends, il y a Jerry qui t'a posé une question. Quel dommage. Voilà, tes yaoi. Ne regardez pas, ça n'existe pas. Efface ça de ta mémoire, s'il te plaît. Pardon ? Mais c'est quoi ? Pourquoi que ça existe pas ? Non, mais attends. Attends, moi ce que je retiens, c'est le truc jaune, d'accord. Attends, je... moi ce que je retiens, c'est que le gars il dit pas les... je traite tout sauf les yaoi. Donc ça veut dire qu'il va traiter des hentai. Donc je vous incite à bourrer les noms des hentai pour qu'on rigole bien. Ah oui, ça c'est après, sûr. Il faut que ce soit accepté par mon grand fidèle ami Bafoulio. Ouais, bah bien sûr. Ouais. Notre connaissance, ça va être accepté. Hein. Petit coquin. Alors, du coup, je me ferai une joie et un plaisir de vous faire découvrir des nouvelles perles de Japanimation ou de littérature japonaise. Sur ce, je rends l'antenne à vous, les fidèles chroniqueurs. Attends, j'ai une question d'un auditeur sur le chat qui vient de marquer. Qu'est-ce que tu penses de la VF de Kuroko, ouais. Je la trouve pas mal, c'est juste qu'il y a certaines voix qui sont plutôt bizarres, hein. Je pense notamment à la voix de Kuroko, des fois qui paraît très étrange. Ça fait assez gamin parfois aussi pour les voix au niveau des lycéens. Et pourquoi Nicolas Cage en Superman? Qu'est-ce qu'il va faire là? Non, mais c'est parce que c'est Jiri en fait qui s'amuse à marquer des conneries, j'ai l'impression. En fait. Tu mets Virge Jiri, s'il te plaît. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, je rigole. Du coup, il y a Benji qui me tanne pour avoir le micro depuis tout à l'heure, mais j'en profite pour parler de. Pour une fois qu'on me demande mon avis. Mais de toute façon, moi, des animés, quand je les regarde, c'est souvent en voice FR puisque je supporte pas. Je supporte pas trop les voix françaises, surtout quand je regarde un shonen au niveau des attaques. Quand t'entends Orbe tourbillonnant au lieu de Rasengan. D'accord. C'est très bizarre. Oui, mais bon, voilà. Rasengan. Voilà, ok. Voilà. Si tu veux. Ouais, il fait mieux que moi, mais bon. Moi, j'ai été dégoûté des mangas, enfin, excusez-moi, des animés en VF à cause de ça un peu. Donc là, je donne le micro à Benji. Oui, Benji, tu voulais dire quoi? Bah, c'est que moi, je suis un assez grand fan de la VF et pour Kuroko, je suis pas vraiment d'accord à ce qu'il dit. Je trouve que la voix elle colle bien au personnage. D'accord. C'est certain, mais comme t'as pas vu toutes les saisons. Oui, je suis d'accord, je me suis arrêté à la saison 1, mais toi tu parlais là sur la voix de Kuroko. Et je trouve que la voix de Kuroko elle marche bien en français. Ouais, mais à certains moments, je trouve qu'elle est plutôt bizarre. Ça fait vraiment des fois voix un peu infantile. C'est très bizarre. Bah, ouais, mais vu que le personnage il est censé être une sorte de fantôme bizarre. Enfin, il est censé pas vraiment. Enfin, comment dire. Il est là, mais tu ne le sais pas. Bah ouais, non, mais c'est ça, parce que faut pas spoiler les gens, mais perso, je trouve que la voix elle colle bien au perso. D'accord, ok. Et pour je fais un petit mot sur le nom des sur la traduction des attaques en VF. Le pire, c'est Dragon Ball Z. Ah oui, là-dessus, d'un de côté. Parce que je me souviens surtout de Son Gohan avec le rayon magique. Oui. Et en Jap. Mazen Senpo. Vous voulez qu'on parle de Saint Seiya? Non. Oh putain. Non, oh putain, non, si. Non. Si. Vous voulez pas qu'on parle de quel est son nom? Si. Là, on peut lancer le débat sur Saint Seiya. Qu'est-ce que vous pensez de Saint Seiya Omega? Attends. Là, je crois qu'en fait, on va monopoliser le podcast. Donc, Tali, Clem's, tout ça, vous pouvez partir. Hein, on va prendre le relais. Voilà. Donc, d'ailleurs, je disais que Fairy Tail, c'était de la merde. Saint Seiya Omega. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. De quoi parles-tu? De quoi parle-t-on? Je nie cette existence. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez tout dit au niveau de tout ce qui est animé manga, sinon, les mecs. Je n'ai plus de souffle. Moi non plus. Là, vous m'avez fatigué, les mecs. T'as coupé le souffle. Ah ouais, non, mais là, ils m'ont coupé. Merci. Ils m'ont tout coupé, là. Franchement, ils m'ont tout coupé, c'est pas possible. Merci. Mais là, quand tu dis tout coupé, c'est-à-dire? Ah bah là, je te jure, je me suis dit, je vais en chier à monter, quoi, quand je vais faire le montage. Au lieu de l'appeler Bafoulio, tu l'appelles Bafouliette, maintenant. Ah ouais, non, mais là, carrément, là. C'est bien ce que j'avais pu comprendre. C'est clair. À vous, ça te dérange pas, Pavel. Qu'est-ce qui te fait ça, gamin? Devine. Bon, est-ce qu'on peut passer à Takala maintenant? Parce que c'est le moment où elle va passer quand même au niveau cosplay, convention, ainsi de tout ce qui est Vocaloid. Est-ce que Takala, t'es prête? Bah, pas tout à fait, on va dire que oui. Je t'avais dit que tu passais en deuxième position. Le podcast, hein. C'est excellent. En fait, la question personne n'est pas. Bah, je sais, mais les gars, ils ont pris leurs aises quand même. Hein. Tranquille, Pepper. Merci. Ah, tu penses que tu vas pas réussir à remonter le niveau? J'aime beaucoup ton accent ce soir. Non, t'as mis dans la mienne, c'est ma petite cocotte. Bon, sinon. Tu fais l'accent du sud. Donc, oui, Takala, sinon tu penses pas de remonter le niveau quand même? Bah, je pense quand même le remonter un petit peu. Ouais. J'ai le melon, hein. Qu'est-ce que vous entendez par remonter le niveau? Le niveau. Non, mais t'inquiète pas, en fait, on a touché, mais elle peut encore creuser. Rien. Bon, allez, quand même, c'est parti, c'est le moment de tout ce qui est convention, cosplay et Vocaloid, c'est le moment de Takala. La rubrique convention, cosplay, Vocaloid. Convention, cosplay, Vocaloid. Avec Takala. Ah Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Japan Expo, l'une des plus grandes conventions sur le Japon au monde, qui accueille cette année une cosplayeuse mondialement reconnue. Mais je vous laisse la surprise parce que pour l'instant je vais vous parler du logiciel Vocaloid. Qu'est-ce que Vocaloid ? Vocaloid est un logiciel de synthèse vocale, c'est-à-dire que quelqu'un va enregistrer sa voix, un doubleur d'animé, un chanteur, afin que cette voix soit modifiée, afin de créer une banque de voix qui permettrait à des compositeurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, de créer des chansons avec ces voix. La plus connue est évidemment Hatsune Miku, très reconnaissable avec ses grandes couettes bleues. Mais il faut savoir que la première Vocaloid n'est pas Hatsune Miku, mais une Vocaloid américaine. Ah ah, je vous l'ai mis dans le baba. Américaine, comment ça, américaine? C'est explicite. Américaine, eh ben oui, la première Vocaloid n'est pas japonaise, comme on pourrait le croire, mais elle est américaine. Je dirais même plus qu'ils étaient deux. Ils étaient deux Américains, ils étaient un garçon, une fille. tu es d'un professionnalisme bafou, c'est un truc de fou. Mais oui, mais parce que tu m'avais dit qu'il fallait que je la passe pendant ta chronique, donc c'est ce que je fais. Les premiers Vocaloid étaient américains et ils s'appelaient Léon et Lola. C'était un homme et une femme qui a été créé par la compagnie Zero G LTD. J'ai toujours pas compris de pourquoi. Et les premiers Vocaloid japonais étaient Meiko Kaito. Évidemment, le logiciel de Vocaloid est très controversé parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit que c'est pas de la vraie chanson, qui dit que c'est nul, c'est pas des vraies voix, machin. Mais au Japon, ça fait fureur. Mais oui, non, mais en plus, attends, excuse-moi, Takala, j'ai envie d'intervenir, mais c'est vrai que tout ce qui est au niveau... Pardonnez-moi, un petit rototo qui est venu. En fait, tout ce qui est au niveau Vocaloid, excusez-moi, c'est de la vraie chanson quand même, parce qu'il y a du boulot derrière. Il y a du boulot au niveau son. Évidemment, les critiques sont très mal reçues. Mais ouais. Parce qu'il y a énormément de boulot derrière. C'est de la composition de musique, faut trouver les paroles, faut créer la musique. Parce qu'il n'y a pas que les voix, il y a évidemment des instruments derrière. Et cela fait que c'est quelque chose qui devient assez difficile à utiliser parce que le logiciel Vocaloid est extrêmement compliqué à utiliser. Non mais oui. je voulais dire par rapport aux critiques, j'avais entendu un journaliste dans une émission sur Canal+, le grand journal pour pas la citer, qui comparait Hatsune Miku à René La Taupe. Oui, c'est vrai. Il brûle en enfer. Ouais, non mais je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'elle avait comparé quand même Hatsune Miku à René Latto, quoi. Faut vraiment. En plus, sachez bien que le jour de cette émission, elle a parlé d'Hatsune Miku, elle a passé un extrait de Megurin Luka. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Déjà une journaliste qui vient justement parler de quelque chose et qui se plante complètement sur son sujet, hein, on peut. Voilà. Désolé, oui, effectivement, alors, j'ai quelques soucis. Alors, j'étais en train de te rattraper vite fait. Je disais donc, c'est vrai que la personne de chez Canal Plus avait beaucoup déconné au niveau de sa chronique et tout. Et franchement, c'était vraiment triste de sa part d'avoir essayé de détruire une icône du Japon. Parce que, excusez-moi, mais franchement, Hatsune Miku était une icône du Japon et elle l'est toujours d'ailleurs, c'est vrai. D'un autre côté, voilà, c'est bien triste de détruire une si belle icône qui est franchement, c'est super bien trouvé, c'est super bien foutu, etc. Et tout. Et c'est bien dommage que les gens ont voulu détruire une telle icône qui est Hatsune Miku, quoi. Moi, j'ai envie de dire, c'est pour ça que moi je regarde pas la télé, comme ça c'est bien. Je suis évité de tous ces. Je dirais même plus, c'est triste de voir une journaliste ne pas faire son boulot quand. Non, mais même par rapport à cette personne, je crois pas que c'est une vraie journaliste. Et que. Mais dans cette émission, je crois qu'il disait que c'était une experte de la culture pop. Oui. Qu'est-ce qu'ils entendent déjà par culture pop et surtout qu'est-ce qu'ils entendent par expert? Oui, c'est vrai. C'est vrai que d'un autre côté, il y a vraiment un problème. Vas-y, Takala, pour la suite. Bien. Du coup, avec tout ça, je sais même plus où j'en étais. Oui, la première Vocaloid n'est pas Hatsune Miku. Voilà, c'est là où j'en étais. Et quel est son nom, précisément? Quoi? Je disais, je voulais savoir son nom. De la personne. De la personne. De la personne de les premières Vocaloid japonaises. Ouais. Ouais. Japonaises, c'est Meiko et Kaito. Et je l'ai déjà dit en plus, tu m'écoutes pas. Ah mais et c'est parce que j'ai les guignols. Attends, excuse-moi, j'ai les guignols derrière en fait qui arrêtent pas de m'embêter en même temps aussi. Alors voilà quoi. Excuse bidon. Bah, allez, vas-y pour la suite, Takara. Pour la suite, Takara. Donc, Hatsune Miku est la plus connue. Elle a des centaines de chansons à son actif, comme World is Mine, que Bafulio était censé passer. C'est celle que j'ai passée. C'est celle que j'ai passée. Attention, hein. On va finir par mettre Bafulio en dehors du podcast parce que là, je crois qu'il est mis. Bien, non, mais c'est ce que j'ai passé depuis tout à l'heure. Excuse-moi. Oui, mais moi je l'entends pas. Eh bah oui, mais parce que je vais pas te mettre le retour non plus d'un autre côté, la Là ça va, tu l'as maintenant ? Là ça va, tu l'as maintenant ? Oui, là je l'ai eu. Voilà. Donc, elle a des centaines de chansons à son actif. On pourra citer World is Mine, on pourra citer Melt, ou encore Rolling Girl, ou encore Electric Angel, ou bien Love is War. Non, s'il te plaît, pas Popipo. Popipo est un tréfonds de l'internet que je ne souhaite pas avancer dans ma chronique pour le moment. Bad and Nights, c'est un groupe de Vocaloid. Je vais en reparler dans mes prochaines chroniques, c'est à propos de Vocaloid. Je pense que je vais faire une présentation de chaque Vocaloid avec quelques chansons ou bien des groupes en particulier ou des chansons. Si ça arrange tout le monde. Bien, je terminerai en disant que Vocaloid est certes quelque chose d'extrêmement controversé, mais que c'est quelque chose qui demande énormément de pratique, énormément de talent, quoi que puissent en dire les critiques. Et c'est quelque chose qui est vraiment génial et qui a une grande fanbase et je saurais pas trop comment dire, qui a également permis l'extension de la culture japonaise à travers le monde, parce que Vocaloid c'est connu mondialement. Il y a des Vocaloid espagnols, il y a des vocaloïdes chinoises, des vocaloïdes anglaises, des vocaloïdes coréennes, et plus récemment, non pas une vocaloïde, mais presque une sévioloïde française qui s'appelle Alice. Mais j'en reparlerai ultérieurement. Mes yeux croisent. Merci Bafou. Ça c'était un extrait de Alice. La toute première chanson justement qui s'appelle Dans mon monde. Japan Expo. D'ailleurs vite fait, Takara 30 secondes, Takara 30 secondes, je voulais dire quand même c'était justement avant que tu repars sur Japan Expo, je voulais quand même dire c'était la toute première chanson d'Alice Dans mon monde, justement fait la musique par Shinde Ai franchement Shinde Ai qui a fait aussi la musique de ce générique, je dois le remercier à chaque épisode, donc merci Shinde Ai pour la chanson à venir avec l'instrumental d'Alice, donc Shinde Ai, voilà, merci beaucoup. Voilà, j'étais obligé. Allez, je te laisse continuer, Takara. J'avais demandé à ce qu'on me coupe pas pendant ma chronique. Mais j'étais obligé. L'irrespect de ce bafou. Excusez-moi, il y en a qui bossent derrière, là, de l'autre côté. Hein. Bah, comme moi. Oui, aussi. Allez, vas-y, continue. Voilà. Donc, je disais donc que la Japan Expo, avec son ambiance étouffante, ses stands qui appellent à l'achat, ainsi que sa très grande chaleur et tous les magnifiques cosplays qui se baladent dans les salles. Mais également ses invités. Et cette année, Japan Expo a décidé de faire plaisir aux cosplayers en invitant la mondialement reconnue Yaya Han, une créatrice de costumes somptueux, couturière et mannequin à 16 heures. Elle a commencé le cosplay très tôt et est aujourd'hui l'un des modèles dans le domaine. Avec quelques centaines de cosplay à son actif, elle est aujourd'hui un des modèles de nombreuses de nombreux cosplayers aujourd'hui. Pour la première fois à Japan Expo, Yaya Han est originaire des États-Unis. Elle a également participé à une émission sur Sci-Fi Heroes of Cosplay. Elle est originaire des États-Unis. Qu'est-ce que je dis ? Elle est chinoise, mais citoyenne américaine. Elle a énormément de cosplays différents. Elle a fait du Resident Evil, du Street Fighter, du Code Geass, du League of Legends. Elle a fait on va dire, des cosplays extrêmement somptueux, extrêmement détaillés. Du Assassin's Creed également. Elle est très reliée à tous les autres cosplayers du milieu, comme Jessica Nigri, on va dire. Et pour faire plaisir à Pavel et à Benji, elle a des boobs également. Pourquoi elle moi a énormément de boobs. Mais non, mais pourquoi moi? Je comprends pas moi, le rapport avec moi. Parce que vous êtes ensemble. Alors pour moi, vous êtes une seule et même personne. C'est quoi, Pavel et moi? Non. Non, mais Ben et toi. Oh, tiens, il y a quelqu'un. Y a, mais non, elle a dit pas. Je citerai quelqu'un sur le chat qui dit qu'elle a de beaux airbags. Oui, j'ai vu ça. C'est... Alors la personne, elle a pas de pseudo sur le chat. Donc je vais la nommer Anon6380 qui a dit qu'elle a de beaux airbags. Yann, alors est-ce que j'ai dit qu'elle a commencé le cosplay en 1999, c'est-à-dire il y a une bonne douzaine d'années au moins? Ah ouais, quand même. 16 ans, 16 ans principalement. Mais... Qu'est-ce que je raconte, 16 ans? N'importe quoi, ça se dit 16 ans. C'est un peu vieux, mais bon. Ça, bah, c'est un peu vieux, mais elle a pu se faire énormément d'expériences jusqu'à devenir... Quel genre d'expérience? Créatrice de costumes. Elle crée ses propres costumes et a aussi lancé sa propre ligne d'accessoires cosplay que vous pouvez retrouver sur son site internet yayaan.com, quelque chose dans le genre. Ses costumes et ses prestations lui ont fait recevoir de nombreux prix. Elle a reçu énormément de prix pour ses créations. Elle a pu participer en tant que juge, en tant qu'intervenante à de nombreuses conventions partout dans le monde. La preuve, elle vient exprès des États-Unis pour Japan Expo. C'est dire l'importance du salon également. Salon qui va se dérouler du 2 au 6 au 5 juillet. Au tout début des grandes vacances, juste après le bac, c'est merveilleux. Et sur les 4 jours, Yayaan sera présente et fera des dédicaces. Sera également en cosplay. Et c'est qui rigole derrière? Non, rien, c'est rien. C'est juste non, rien, parce qu'en fait, il y a Ben qui s'amuse avec le paquet de chips. Et malheureusement, on peut pas faire autre. Ah bah bravo! Les chips, c'est le bien. Ouais. Hashtag boulet. Donc, Japan Expo toujours, du 2 au 5 juillet, toujours au parc des expos de Paris-Nord-Villepinte. Cette année, Japan Expo reçoit de très nombreux invités prestigieux, comme l'auteur de Lovina. Akamatsu, en effet, vient à Japan Expo cette année, auteur de Lovina, mais également de Negima, de Yukio Holder et du moins connu I Nonstop. Vient également cette année Shigeru Miyamoto, un des plus grands créateurs et réalisateurs de jeux vidéo au monde, puisqu'il est à l'origine de plus de 100 jeux Nintendo, tels que Super Mario Bros, Legend of Zelda, Pikmin, Wii Fit, Luigi's Mansion et j'en passe. En France, Miyamoto est devenu l'un des premiers créateurs de jeux vidéo à être élevé au rang de chevalier des arts et des lettres. Oh. S'il vous plaît, bitch. Ah ouais, non mais carrément, oui. C'est beau, hein? Ah, c'est beau. Le respect. Ah ouais, là, c'est la classe. Ouais, c'est la classe, ouais. Ça, c'est quelqu'un qui impose le respect. Oh oui. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Alors, vite fait, le temps que tu cherches ce que tu voulais dire, il y a plusieurs personnes qui a marqué. Donc, il m'a marqué au début, c'est Barbol, voilà, qui m'a dit que c'était aussi l'auteur de Full Metal Alchemist. Alchimiste, oh putain, ça va plus, moi je suis fatigué, alchimiste, voilà. Et qui a dit aussi qu'il avait perdu un billet dans ses boobs et qu'il espère le récupérer. Et puis il y a Anon 3622 qui vient de marquer un message qui dit c'est trop, que Lovina c'était trop, voilà. À toi, Takala. Alors il faut dire que non, que la façon dont tu l'as présenté laisserait à croire que Ken Akamatsu est l'auteur de Full Metal Alchimiste, mais faux. Ken Akamatsu n'est pas l'auteur de Full Metal Alchimiste, il faut pas. Par contre, il est vrai que cette année, si je retrouve l'information dans mes feuilles, Himuru Aka Arakawa, je sais pas comment ça se prononce, c'est abusé. Hiromu Arakawa, c'est la mangaka de Full Metal Alchemist, en effet, qui vient à Japan Expo cette année, qui n'est pas invité d'honneur. Je comprends pas pourquoi, mais bon, on va en passer. Cet auteur a également écrit, après avoir fini Full Metal Alchemist, Silver Spoon or The Heroic Legend of Arslan. Ça se prononce. Pourquoi des noms aussi compliqués? Je comprends pas. Tu veux que je parle des mecs qui étaient dans Kuroko no Basket? Mais non, qu'est-ce que je raconte? J'ai mal noté. C'est l'auteur de Full Metal ne vient pas. C'est exposition de l'auteur. Vous verrez des planches inédites sur le salon et pourrez découvrir tous ces grands mangas à succès. Il y aura également. Toutes les planches seront agrémentées de commentaires de l'auteur pour. pour aider à comprendre la manière, sa manière de dessiner, toutes ses techniques de dessin et ce qu'elle a pensé de la planche ou pourquoi la planche fait un succès aussi planétaire. Pourquoi Full Metal est un succès aussi planétaire? Voilà. Bah, Full c'est, Metal, franchement, c'est vraiment un gros, gros, gros succès. C'est vraiment incroyable, hein, Full Metal. Hein. C'est vraiment un truc. Qui n'a pas vu Full Metal Alchemist quand même, hein, d'un autre côté. Hein. Moi, je veux pas être méchant. Moi, j'ai déjà vu, j'avais kiffé, quoi. Moi, je suis désolé, j'ai envie d'être méchant. Les légendes d'Arslan, ou je sais pas trop quoi, le nouveau manga, là, je trouve que c'est copier-coller. FMA, moi, ça me plaît pas, hein, direct. T'as la patte de l'auteur aussi. Ouais, excuse-moi, mais quand tu fais un Ed et un Hal qui sont exactement les mêmes que les persos que, qui sont présentés dans le premier tome, désolé, mais... Mais non, mais même, tu vois, enfin, je sais pas, quand tu vois un auteur qui fait une autre série, tu vois tout de suite qu'il y a une patte graphique, c'est normal. Oui, mais il peut changer aussi un petit peu de style et puis garder exactement pareil... Les mêmes modèles que son ancien manga, moi je trouve que c'est pas mieux non plus. T'as qu'à l'attendre. Ça vous a pas suffi de parler pendant 20 minutes non-stop, faut que vous piétiniez en plus sur ma chronique. Ah, c'est ça ce que je pense sur mes pires. Bon allez, vas-y, continue. Donc je disais à propos de succès planétaire, si je vous dis light novel, vous pensez quoi? Ça me dit quelque chose, j'ai un trou de mémoire. Si je vous dis Asuna et Kirito, Sword Art Online, l'auteur de Sword Art Online, le light novel, vient à Japan Expo cette année à l'occasion de la sortie du tome 2 du roman qui a donné naissance à la saga. Deux petites secondes. Juste, on est d'accord, hein, y a juste la première saison de Sword Art Online qui existe, hein, n'est-ce pas? Non, là je suis pas d'accord. C'est ma chronique. non mais attends, d'un autre côté, attends, c'est un débat intéressant d'un autre côté, Takala. Par contre, pense au poche to talk parce qu'on a le retour au rib en fait, Takala. Et pourquoi Pavel, t'es pas d'accord alors? Comment? Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce qu'en saison 2, il y a les escargots. Alors, comment dire, c'est vrai que la deuxième saison est totalement différente de la première, parce que c'est vrai que, je sais pas spoiler, mais ils peuvent aller venir comme ils veulent dans le jeu, mais ça aborde beaucoup d'autres choses, et franchement, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Moi, j'ai trouvé ça hyper dommage, parce que, bon, je dirais ça va être beaucoup plus court, c'est un univers qui aurait pu être beaucoup mieux exploité et plus approfondi, ça aurait pu durer bien plus longtemps que 15 épisodes, et partir dans un débat bien plus chiant, excusez-moi de le dire, mais je trouve que ça correspond pas du tout à la première ambiance de la première série. Même si la troisième saison elle rattrape un peu mieux, je trouve que l'idée d'être dans un monde où tu meurs, c'est bien. Mais si tu pars dans un monde où tu meurs, bah en fait t'en as rien à foutre. Limite y a plus de respect, quoi. Je suis le seul à avoir détesté Sao, puisque dans la saison. C'est chiant. Non mais je parle. Attends, puisque tout le monde s'accorde à dire que la saison 2 c'est de la merde, je vais m'attarder sur la saison 1. Dans la saison 1, ok, c'est un open world, ça a l'air sympa et tout, mais c'est juste méga sous-exploité. Le personnage de Kirito, il est, enfin, c'est pas qu'il est chiant, mais il est méga fade. On s'attend beaucoup plus à un héros. Bon, je vais passer. Voilà. Voilà. Bon, ok. Vas-y, Takala, fais la suite de ta chronique. Ah bah voilà, à cause de vous. Oh putain. J'en étais t'endors où pas. Sword Art Online, c'est ça. J'en étais à en parler de l'illustrateur de Sword Art Online et du chara-designer qui vient cette année à Japan Expo. Que dire de plus, à part qu'il vient, voilà. Et ben il y a aussi. Il y a aussi d'autres personnes, à ce que je sache, pour Japan Expo, Takala. Eh bien, je vais pas trop m'avancer parce que la plupart des invités sont des invités musique et je suis pas très calé en musique japonaise, on va mais dire. Vas-y, tu peux en parler, vas-y, je peux en parler très bien. Je peux en parler très bien, si t'as si apparemment, cette année, il y a Pink Babies qui vient. Oui. Apparemment, ça a l'air d'être un groupe d'idols, tout comme Michinoku Sendaiori Himetai. Oh oui. Luce Twinkle Winks vient également. Ouais. Dempagumi.inc. Oui. Vient également. Chow Chow, Baseball Girls, Eraoi, Le Lien, Ai Haruna, putain c'est quoi ces noms, Orange Port, Jaru Jaru vient également. Oui, alors pour expliquer, je suis en train de me balader sur la page, sur le site internet de Japan Expo parce que évidemment je connais pas tous ces noms là par cœur vu que je n'y connais rien. Puis bah sinon côté musique... il y a l'équipe de Noob. Oui. Il y a l'équipe de Noob qui vient cette année également. Mais ils ont toujours venu à Japan Expo. Hein. Ils sont toujours venus à Japan Expo, tout comme autres conventions. Franchement, Noob, c'est franchement, ça fait plaisir de les revoir. Trop bien. Tu dis quoi, Tali? Est-ce que vous avez vu Noob? Est-ce que vous avez vu le visiteur du futur? Mais oui, et François Descraques, Raphaël Descraques, etc. François Descraques vient cette année à Japan Expo également. Cool. Donc pour tous les fans. Est-ce que je peux juste rajouter un truc par rapport à Noob? Vas-y, vas-y. Oui. Parce que moi, je suis à l'actualité, ils vont présenter en fait, c'est la première fois qu'ils vont diffuser le trailer du deuxième film à Japan Expo. Ouais. Voilà. T'es pas discret, ma fou. Ouais, non, mais c'est parce que, en fait, je suis en train de parler en live, et en fait, Takala, en fait, elle pense jamais au poche tout talk, en fait, c'est ça le problème. Et en fait, j'étais en train de lui parler hors direct, sans qu'on entende, par le micro, qu'on entendait son son. C'est pour ça. Vas-y, continue, Pavel. Donc, tu disais? Non, moi, je disais juste que, oui, il a annoncé, donc, sur les réseaux sociaux, que, bah, il allait diffuser le trailer du deuxième film. Oui, tout à fait. Pour la première fois. Et il y aura aussi la BD Noob, auquel on pourra retrouver une couverture hors série de Noob, d'ailleurs. Exact. Je vais essayer de finir assez rapidement parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Vas-y, vas-y. C'est trop bien les portables. La billetterie est ouverte depuis le mois de février environ, février-mars. Je trouve personnellement que les prix sont un petit peu abusés. Le forfait 4 jours à 50 euros, alors que l'année dernière, le forfait 5 jours était au même prix. Je trouve ça un tout petit peu abusé. Sinon, bah, pas grand chose à dire à part que c'est du 2 au 5 juillet, que toutes les informations sont sur Japan Expo Paris et que j'attends toujours la carte de la convention pour pouvoir prévoir mon programme. Voilà. Merci en tout cas, Takala, pour toutes ces informations. Et puis, il y a aussi une chose que tu n'as pas dû lire sur le site de Japan Expo, c'est l'arrivée de Shigeru Miyamoto qui va venir aussi, pareil, à Japan Expo. J'ai entendu. Et si elle l'a dit. Ah, elle l'a dit. Ah, pardon. D'accord, ok. Pardon. Il écoute rien celui-là. Mais j'étais en train de bosser en même temps. Si, je l'ai dit, ouais, je me disais bien. Je me disais bien, je l'ai dit. Oui, Jerry, tu voulais je dire. Je me disais bien, je l'ai dit. Non, mais on en a parlé 10 minutes avec les 100 jeux et tout. Tu te rappelles pas? Ah oui, ça c'est vrai, par contre, oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord. Ok, bon, sinon, c'est tout ce que tu avais à dire, hein, Takala? Je pense déjà en avoir trop dit par rapport à ce que je voulais dire, donc bon, oui. Bah, c'était très très bien en tout cas, bravo à toi. Bon, bah, avec le stress, en tout cas, tu as super bien géré. Bon, il y a Clems qui venait juste de partir, elle revient d'arriver. Putain, Clems, tu m'as fait peur, j'ai cru que t'allais louper ta chronique. Moi aussi, j'ai eu peur, figure-toi, ça c'est déconnecté tout seul. D'accord, ok. Sinon, vite fait, on va parler vite fait espace convention parce que j'ai une petite news. Est-ce que vous connaissez Sébastien Lorenz, ça, vite fait? Non. Si je vous disais le TGS. Oui. Hein, Toulouse Game Show. Eh ouais, le Toulouse Game Show. Il y a Sébastien Lorenz qui a marqué sur son Twitter, en fait, un petit message à propos du Toulouse Game Show. Donc, il va continuer, etc. et tout. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui détruisent le TGS et tout. Et il explique pourquoi. Détruisent, oui, pardon. Excuse-moi, je suis fatigué d'un autre côté aussi. Et la répartie de ouf, je sais, c'est comme ça. Et donc, il paraît que voilà, beaucoup de gens envoient des absurdités sur TGS pour les prix, etc. et tout, pour tout ça. Et le mec, il a été très énervé et tout. Et il a trouvé ça dégueulasse de leur part. Donc il a marqué un petit message. Vous pouvez découvrir ça sur le Facebook de Marcus ou vous tapez Sébastien Lorenz ou vous allez sur la page de Another World dès demain. Vous pourrez voir le message de Sébastien Lorenz qui explique pourquoi TGS est aussi cher et comment il fait pour bien organiser cet événement. Voilà, j'avais juste un petit message à faire passer. Ça va être le tour de Clems. Est-ce que Clems, tu es prête, ma chère? Oui, normalement. Normalement, c'est bon. T'es bien posée, t'es prête et tout, il n'y a pas de souci. Oui, normalement. Si ma connexion ne me lâche pas. Bah, j'espère pour toi aussi. Allez, c'est parti, c'est le moment de retrouver Clems et sa science-fiction. La rubrique science-fiction. La rubrique science-fiction. Avec Clems. Hello tout le monde. Bah oui, donc comme tu viens de dire, bah fou, et ben on va parler science-fiction avec moi. Donc je vais parler de tout avec n'importe quel support, donc que ce soit livre, film, série, radio aussi, n'importe quel support, tant que je trouve un, si je découvre un nouveau truc ou si je veux envie de vous parler quelque chose que j'aime, et ben sur la science-fiction bien sûr, et ben je vais vous en parler dans cette chronique. Donc ce soir j'ai décidé de vous parler de Douglas Adams, qui est un auteur britannique de science-fiction, qui a notamment fait le guide du voyageur galactique. Le poisson, on doit s'en aller pour de bon. On a tout fait pour vous avertir. Vous êtes moins malin que nous, mais fallait-il que malgré tout, vous gâchiez toutes ces merveilles autour de vous. Salut et merci bien pour le poisson. Vous êtes en train de tout détruire, votre terre n'a plus d'avenir. L'apocalypse est pour très bientôt. Malgré les fils et les pêcheurs, beaucoup d'entre vous ont du cœur, surtout vos femmes enceintes et vos petits enfants. Salut, salut, salut, salut, salut. Salut, salut, salut, salut, salut. Salut et merci bien pour le poisson. Vas-y, continue, Klebs. Continue. C'est très gentil, Bafou, mais t'aurais attendu... Allez, 30 secondes et t'aurais pu la mettre, ça aurait été parfait. Ah bah. Mais bon, c'est pas grave, les fails, on a l'habitude, hein. Ouais, y'a pas de soucis. Donc, le guide du voyageur galactique est une série de livres en 5 parties, on va dire. Premier, le guide du voyageur galactique. En second, le dernier restaurant avant la fin du monde. Ensuite, la vie, l'univers et le reste. Et là, enfin. Ensuite, en quatrième, salut et encore merci pour le poisson dont vous avez vu la magnifique, vous avez entendu la magnifique chanson que Bafoulio nous a passée. Et enfin, pour finir, globalement inoffensive, qui est sortie plus tard que précédent parce que voilà. Et donc, pourquoi je parle aussi de Douglas Adams, pourquoi j'ai parlé de Doctor Who en parlant de Douglas Adams sur Facebook? Il faut savoir que Douglas Adams est écrivain, bien sûr, et aussi scénariste. Il a notamment scénarisé 3 épisodes de Doctor Who. Je parle dans la série classique, donc je vais vous faire un petit résumé de la série. Donc c'est le Docteur, un seigneur du temps, un extraterrestre. Il a 2 cœurs. Quand il meurt, il se régénère. Il a un nouveau visage. Donc du coup, pour les réalisation. Il voyage dans le temps et l'espace avec une cabine téléphonique de police de couleur bleue, comme dans les années 60 en Angleterre. Il voyage souvent avec un ou plusieurs compagnons, souvent des femmes, pour, on va dire, équilibrer. Douglas Adams, la série de Doctor Who date de 1963. Oui, c'est vieux. Oui. Et alors ? C'est de la science-fiction, c'est Doctor Who, c'est bien. C'est la plus vieille série de science-fiction au monde. Donc c'est vrai que la série est très très vieille. Elle a quand même pas mal d'années derrière. Et c'est vrai que franchement, Doctor Who, c'est une série qui est vraiment très très vieille. Mais voilà, c'est une série qui a une, pas, dans le temps, en fait, elle avait une particularité spéciale. Clem, je peux t'en laisser t'en parler ? Ah, Clem, en fait, a bugué. Bon, ben voilà. Bon, bah, en attendant que Clem revient, on va attendre un petit peu. Je suis vraiment désolé. Les soucis techniques de dernière minute, en fait. Quand les PC ne fonctionnent pas, c'est ça le problème ici, en fait. C'est quand les PC, quand les gens font des bugs pendant qu'ils font leur chronique, à moins que, en fait, il y a peut-être aussi son daron qui a coupé la connexion Wi-Fi, ce qui est possible aussi, hein, d'un autre côté. Mais bon, on va attendre que Clems revient de son côté. Vous connaissez, vous, Doctor Who, vous, de votre côté, tiens, les Ben, Jerry, Pavel, Tali, vous connaissez de votre côté, Doctor Who? Moi, je connais pas. Ben, moi, je connais Doctor Who, mais c'est vraiment pas mon kiff. Je suis un peu intéressé aux anciens, notamment les films, qui étaient peut-être de meilleure qualité, et les premiers épisodes aussi, notamment. D'accord. Voilà. Les Ben, qu'est-ce que... Benji? Ben, moi, je disais que ce Doctor Who, je connaissais, mais que... Les séries où on bourre le voyage temporel et tout ça, c'est vraiment pas mon kiff. Moi par contre, je connais, j'ai déjà vu plusieurs saisons. Je crois que j'ai vu, si je me trompe pas, la 7, 8, 9, 10. Enfin, les je pense les celles qui sont assez récentes, même si je sais qu'il y en a d'autres qui sont sorties derrière. Mais j'avoue que j'apprécie pas tous les docteurs, il y en a que deux ou trois que j'arrive à peu près à cadrer. Je trouve que les autres sont pas le rôle de docteur, parce que moi je trouve que le docteur c'est quelqu'un d'assez comique, même s'il est un peu seul au fond. Mais je le vois beaucoup chargé d'humour et je pense que, si je me trompe pas, c'est Matt Smith, voilà, oui. Excusez-moi, là je suis un peu fatigué, il fait vachement chaud dans la chambre là. Pff, c'est abusé. Matt Smith pour moi c'est un des meilleurs, parce que justement il a ce côté humoristique qui est très présent au cours des saisons auxquelles il appartient, et moi je trouve que c'est un bon point là-dedans. Et puis l'histoire de Doctor Who c'est quand même quelque chose qui est assez sympathique, et ça peut varier. Il y a des épisodes qui sont plus, je vais pas dire terrifiants, mais plus, comment dire, qui font plus peur que les autres. Enfin, bon, même si c'est pas tout à fait vrai, c'est avec les anges pleureurs, qui est un épisode qui m'a, ah ouais, qui m'a beaucoup plu. Ça, j'ai adoré. C'est vraiment très très stressant et j'ai adoré. Après, faut dire que c'est fait exprès, hein, parce que chaque docteur, en fait, ils ont des facettes différentes. C'est pour ça que les acteurs, c'est inégaux. Hein. Si on aime beaucoup un mec comique, on va plutôt aimer Matt Smith que les autres. C'est voulu. Ouais. Hein. Ça fait partie. Ouais. Moi, le seul truc que je reprocherais, c'est que, je sais pas moi, après plus de 50 ans de, bon, il y a eu, de 89 à 96, il y a eu un moment où ça s'est arrêté. Donc, on va dire, sur quarantaine d'années, ils ont toujours les mêmes ennemis. Et je sais pas, quand tu vois des ennemis, genre les Daleks, bah, c'est une grosse boîte en métal. Enfin, je comprends pas que les gens ont peur de ces merdes. Un coup de pied au cul et c'est fini, quoi. Ouais, mais c'est très intelligent, hein, détrompe-toi. Oui, intelligent, je veux bien, mais disons que je vois pas. Pas comme Benji. Pas comme Benji. Je sais pas. Tu ris dans la bouche. Enfin bon, après c'est tout. Ah non, mais c'est une sacrée série. Moi, ce que j'ai bien aimé dans les dernières saisons, c'est que, bah, notamment quand ils ont commencé à parler du docteur, parce que. T'as qu'à la leçon de ton côté, s'il te plaît. Il a un certain nombre de régénérescences, on va dire ce mot. C'est qu'ils ont, ils ont fait pas mal le lien avec les anciennes saisons. Et enfin ouais, c'est vraiment une série vachement culte. Et ouais, niveau science-fiction, bah voilà, c'est vraiment très bon. Surtout tenir aussi longtemps, faut le faire, quoi. D'accord, ok. Et je sais que là ils ont le projet de rebooter la série en sous forme de film, parce que c'est vrai que là ils tournent vachement en rond. D'accord. Ça c'est le genre d'information là. Ok, d'accord, très bien. Sinon, Pavel Takalatali, vous avez déjà vu Doctor Who? J'ai pas eu l'occasion de vraiment m'intéresser à la série pour le moment. J'ai déjà vu quelques épisodes comme ça, mais voilà. Ok, Clem, c'est revenu. Oui, donc j'ai déjà vu quelques épisodes par-ci par-là à la télé vite fait, mais je me suis jamais vraiment intéressé à la série. Mais je compte le faire un jour. Clem, j'étais en train de laisser parler les gens quand t'avais bugué d'un autre côté. Hein. Je suis vraiment désolé. Oui. Non, mais j'entendais personne. J'entendais même pas mon propre retour, j'entendais rien, ça me fait. Bah ouais, plus d'internet. Comme si j'étais bloqué dans un univers parallèle. Tu stresses là, tu stresses, hein. Avoue, tu stresses. Oui. Bon, tu stresses. Allez, sinon, quand même, sinon, Takala, quand même. Sinon, aussi. J'appelle les Daleks. Oh là, ah ouais, non, vaut mieux que tu te calmes, Ben, alors, s'il te plaît, vaut mieux que tu te calmes. Sinon, Takala, t'as vu Doctor Who de ton côté? Moi, de. Quoi? Doctor Who? Tu dis non, ouais, attention. De... Qu'est-ce qui se passe? On c'est parle pas de quoi ici? Qui... J'ai pas vu. T'as pas vu, d'accord. Et Tali, tu connais Doctor Who? Je connais simplement de nom, je connais à peu près l'histoire, mais j'ai jamais eu vraiment l'occasion de regarder ni rien. Ah, vous êtes des incultes, c'est pas possible. je connais au moins l'histoire, pas venir tout plein non plus. L'histoire, elle est facile. Oui, bah je vous emmerde, j'ai pas eu le temps de regarder. Bon, je propose qu'on relance Clem's sur ce sujet. On se calme, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Vous allez apprendre justement Clem's qui va vous expliquer plus précisément ce qu'est justement Doctor Who. Vas-y Clem's, continue. Ah, la série classique. Enfin, Doctor Who est une seule série entière. Pour moi, parce que après ça dépend de la vie de chaque fan. Moi, la série c'est une série en entière où il y a deux parties, la série classique et la nouvelle série. C'est juste les noms qui changent, mais c'est qu'une seule série pour moi. Donc comme je disais, la série classique, oui, y arriver. La série classique, donc de 1963 à 1989, et aussi on compte le téléfilm le téléfilm du 8e Docteur qui est sorti en 95, film américain, mais avec un docteur britannique. C'est assez bizarre. Et l'histoire, d'ailleurs, l'histoire de ce film n'est pas exceptionnelle, je vais pas trop. Si je commence, je vais vous la raconter dans une autre chronique pour parce que sinon je vais m'embrouiller de l'esprit déjà que c'est pas facile. Parce que ce film c'était en fait une façon. Ils avaient essayé de relancer la série en fait grâce à ce film. C'est pour ça que ça a fait un flop et que. Oui. C'est pour ça que ça a fait un flop et que. Ouais, ça fait un beau flop, mais ça n'a pas réussi à relancer la série. Mais grâce à ça, on a eu les histoires déjà d'un l'image d'un docteur, le 8e docteur joué par Paul McGann. Donc pour la petite anecdote, vie privée, j'ai rencontré l'acteur, il est absolument génial, absolument adorable. Et d'ailleurs avec ce, pour on va dire au moment des 50 ans, ils ont fait un mini épisode qui s'appelle The Night of the Doctor. Où on voit le 8e docteur se régénérer pour donner un personnage dans l'épisode des 50 ans. Donc j'ai rencontré l'acteur et franchement, c'est vraiment... je vais pas faire non plus ma fangirl, mais c'est vraiment quelqu'un de génial. Vraiment, c'était sympa de discuter avec lui. Pour l'info, je l'ai rencontré à la Paris Comics Expo de 2014. Très bonne convention, un petit peu limite niveau organisation pour les photos, mais c'est super, c'était une des plus belles journées. Voilà, petit moment de fangirlisme. Petit moment de nostalgie, on va dire plutôt. Vraiment petit moment de nostalgie, on va dire, d'un autre côté, Clem. Vraiment petit moment de nostalgie. C'est vrai que rencontrer quand même l'acteur du 8e docteur, je t'envie tout de suite, Clem. J'ai pas rencontré que lui, j'ai aussi rencontré Peter Davison, le 5e docteur, à la Paris Manga, pas la dernière, mais l'avant-dernière. C'est franchement aussi un petit peu plus réservé, mais j'étais aux anges, moi. Quand on voit les acteurs à chaque fois, je sais pas si ça vous l'a fait, mais si vous rencontrez quelqu'un que vous adorez, vous admirez tellement, vous le rencontrez, vous pouvez lui parler, vous pouvez vraiment le voir. C'est quelque chose de magique. J'ai mis au moins 2 semaines à réaliser que je les avais rencontrés. Moi, ça a été la même chose d'un autre côté. Ça a été la même chose quand j'ai rencontré plein d'acteurs. Hein. J'ai rencontré... qui c'est que j'ai rencontré? Les acteurs de Noob, les acteurs de Nerds. J'ai rencontré aussi les mecs de Gameblog. J'ai rencontré aussi d'autres stars qui n'ont pas lieu de la musique, etc. Et tout. Et franchement, ça a été un grand plaisir. Comment tu te la pètes? Non, mais c'est vrai, non, mais c'est pas des conneries. J'ai rencontré... Et après, il nous dit d'aller vite quand même. Hein. C'est parce que voilà, continuer sur la lignée. Oui, voilà, et je m'en fous, je suis le chef, d'accord. Si je veux, je vous coupe, les mecs, d'accord. Donc voilà. Et sinon, non, sans déconner, c'est vrai que rencontrer quelqu'un, ça fait hyper plaisir. Sinon, Clems, il y a une autre particularité que tu nous as pas dit sur les Doctor Who, sur les premiers Doctor Who. Tu nous as pas dit quelque chose en quoi c'était assez spécial les premiers Doctor Who. En quoi c'est spécial? La série classique est spéciale. Déjà, on commence, si vous voulez, série classique. Déjà, je peux vous pas. Elle est disponible en CM maintenant. Pratiquement toutes les aventures sont traduites. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je mettrai les liens sur Facebook pour vous y regarder. Sinon, si vous voulez commencer, si vous connaissez déjà la série, on va dire celle qui commence à partir de 2005 et que vous avez envie de regarder les classiques. Ne vous attendez pas à de la qualité niveau visuel, mais attendez-vous à de la qualité niveau histoire. Là, par contre, ça c'est le truc qui surprend le plus. C'est les deux premiers docteurs, premier docteur William Hartnell et deuxième docteur Patrick Troughton, leurs épisodes sont en noir et blanc, bien sûr, avec les moyens du bord et avec l'époque, c'est normal que ce soit en noir et blanc. Avec le temps, certains des épisodes ont été perdus. Les images ont été perdues, mais souvent les bandes sonores ont été sauvegardées. Donc c'est ce qu'on appelle un recon. Ils sont mis en reconstitué. Donc c'est-à-dire qu'ils mettent les images et ils mettent aussi la bande son avec bien sûr des sous-titres pour expliquer aussi qu'est-ce qui se passe, comme un peu de la audio description pour savoir s'il y a un geste, voilà. Et donc c'est pourquoi ils ont été perdus, bien sûr, parce que la BBC fait du ménage chez elle et par accident, on va dire, a brûlé, jeté certains épisodes parce qu'elle pensait pas que c'était quelque chose d'important Ouais, c'est les vieux épisodes, on s'en fout, on les met à la poubelle. Sauf que, et certains épisodes d'ailleurs ont été retrouvés, parce que des fans, des téléspectateurs avaient enregistré ça avec leurs moyens, et donc du coup ils ont pu justement reconstituer certains épisodes. Donc pour le premier docteur, il y en a pas mal, mais c'est surtout pour le deuxième docteur, la moitié de sa période est en reconstituée. Donc j'ai fini la période du premier docteur. D'un autre côté, je ne sais pas si tu l'as dit, Clems, mais au niveau des premiers Doctor Who, c'était une série éducative. C'est ça que j'attendais que tu me dises aussi d'un autre côté. Oui, c'était à la base, Doctor Who a été créé pour combler aussi un trou, on va dire, dans le planning télévisuel le soir. Donc ils ont choisi un programme pour enfants qui voulait faire aimer l'histoire et les sciences aux petits Britanniques. Qu'est-ce qu'ils ont eu ? Ils ont eu Doctor Who, ils ont eu le Docteur, un homme cultivé, un scientifique qui cherche au début. Dans le deuxième arc, on voit le Docteur. Il sort de son TARDIS. Il veut explorer, on va dire. Il veut découvrir la planète où il a atterri. Donc ça a aussi pour amener aussi la curiosité. A été aussi fait pour amener, pour je n'arrive plus à parler, pour éveiller la curiosité des enfants aussi. Et donc maintenant, ceux qui connaissent un peu la série, on ne retrouve plus tellement ce côté éducatif pour faire aimer l'histoire et les sciences, mais il est toujours présent. Par exemple, dans le passé ou dans le futur, surtout dans le passé, ça nous apprend notre histoire. Par exemple, il y a dans un épisode du premier docteur, The Reign of Terror, le docteur arrive pendant la période de la Révolution française. Donc ça permet aussi de, on va dire, d'associer, par exemple, quand vous avez un cours d'histoire et que par chance il y a un épisode de Thor au-dessus, c'est juste ça. Moi, par exemple, ça m'aide à mémoriser mes cours. Un épisode de Doctor Who en rapport, ok, je fais le lien. Comme ça, ça fait plus de connaissances. Ok, d'accord, très bien. Et sinon, au niveau du... Je sais pas si on m'entend encore. Oui, on t'entend, Clem. Je te rassure, on t'entend quand même d'un autre côté. Il y a pas de souci. Tu m'as perdu, Bafou. Non, je suis là. Excusez-moi, c'est parce que j'avais mis en mute chez vous pour pas que vous m'entendiez, pour pas vous entendre les bruits dégueulasses en fait d'un autre côté. Donc oui, c'est vrai que c'est une série éducative et tout d'un autre côté. Mais sinon, au niveau donc de Doctor Who, tu as fait le tour. Vu le temps qui me reste à moi et à ma connexion, je ferai plusieurs chroniques sur cette série. Et puis comme ça on gardera plus pour les prochaines fois. Parce que franchement, la série, c'est comme le vaisseau spécial du docteur. C'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et franchement, je pense que j'ai vraiment pas du tout fini de parler de cette série. Donc désolé si vous aimez pas, mais je continuerai toujours à en parler. Ok, d'accord, très bien. Donc tu nous en parleras pour une prochaine chronique dans Clems. Oui, et je vais arrêter parce que ma connexion est un peu trop bancale pour continuer à enregistrer. Mais ne vous inquiétez pas, okay. Le docteur sera toujours là. D'accord, ok. Merci en tout cas, Clem. C'était très intéressant déjà de nous raconter les débuts de la série Doctor Who. C'est très très bien. Franchement, tu t'es amélioré. Moi, je te dis, tu t'es vachement amélioré, Clem. Je sais pas si vous avez trouvé les autres, mais moi... Je me suis toujours pas écouté. J'ai toujours pas écouté ma partie du pilote. Travailler ça, franchement. Là, je suis bientôt en vacances. Cette semaine, je vous fous tous le seum. Parce que moi, j'ai pas le bac. Je suis en seconde. Moi, je suis en vacances. Et une prochaine fois. Si tu veux que je te foute le seum, moi je suis déjà en vacances et je passe mon année là, je suis content. Voilà. Bon, il a dit ce qu'il avait à dire d'un autre côté, voilà. Bon, en tout cas, merci Clems pour toutes ces informations. Tali, s'il te plaît, tu nous envoies du retour, hein, moi qui voulais dire un truc. Ah bon, d'accord. Il y avait un son rip, c'était pour ça que j'étais obligé de te contredire. Désolé, j'ai dû taper dans mon micro sans faire exprès. Il n'y a pas de souci. Bon, parce qu'en fait, mon portable est porté disparu. C'est tout. Voilà, c'était l'instant Tali raconte sa vie. J'avais envie de remercier une personne qui s'appelle Ryozaki, par contre le push tout s'il te plaît. Merci. Tali, merci. Sinon, j'avais quelqu'un qui nous a dit un petit truc vite fait sur le chat, qui l'a dit, merci beaucoup, merci, courage, continuez, j'aime bien ce que vous faites, merci Ryozaki, c'est sympa de ta part. C'est un plaisir partagé d'un autre côté qu'on s'amuse à faire ce podcast. On t'enverra une bafou sur son t-shirt, tu vois. Oh, c'est toi. Oh, c'est si, ça me fait plaisir. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Allez, je vais passer à tout ce qui est cinéma, etc. et tout. On va passer à tout ce qui est série. Et franchement, j'ai des trucs à dire. La rubrique cinéma, série télé. La rubrique cinéma, série télé. Avec Bafoulio. Et j'ai envie de vous parler donc cinéma, série télé. On va vous parler, je vais vous parler de trois petites choses. Donc Clems nous avait parlé tout à l'heure de H2G2. Je vais vous parler du film qui est franchement une tuerie, une bonne tuerie. C'est vraiment un truc assez magnifique. Regardez-le. Oui, tout à fait. Faut vraiment le regarder. C'est vraiment un film extrêmement super bien foutu. On se marre à le regarder, etc. et tout. Franchement, je vous le conseille vivement. Si vous ne l'avez pas encore vu, il est vraiment très très bien foutu. Sinon, on va parler quand même de. Je vais parler aussi d'un autre chose. Par exemple, d'une série qui vient de Suède. Est-ce que vous connaissez la série Real Human 100% humain ? Pas du tout. Bah, c'est un jeu, ça. Pas du tout. Non, ce n'est pas un jeu. Ça... Non. Ah, ça, okay. Ce n'est pas un jeu. Fuck. Moi je connais Being Human, mais c'est. Non, c'est pas du tout la même chose. D'accord. Et ben là justement, c'est tout à fait autre chose. Real Humans ou 100% humain, c'est une série qui traite en fait d'humains esclaves en fait, esclaves des humains esclaves. Excusez-moi, je suis fatigué d'un autre côté. Donc non, on va parler des Ubo. Les Ubo, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des humanoïdes qui ont été créés par les humains pour servir d'esclaves. Ils peuvent servir pour tout. Mais si, je connais. Pardon. Oui, bah voilà. Donc en fait, en gros, ils servent de tout. Ils servent de femmes de ménage, mais aussi de robots carrément pour tout ce qui est sexuel et tout. Et donc c'est une série qui était diffusée sur Arte, qui comporte deux saisons. La troisième saison est en cours, pas de production, mais de réflexion, parce que à cause des audiences qui n'ont pas fonctionné en Suède, les audiences étaient très très très dégueulasses en Suède. Et en gros, c'est toujours en réflexion. C'est vraiment dommage que. Et pourtant, sur Arte, ça marchait très bien parce qu'en fait, ça arrivait quand même, attention, dans les 1 million de téléspectateurs quand même sur Arte. Ce qui est quand même incroyable. Sur Arte. Ah ouais, sur Arte. J'avoue. 1 million. 1 million. D'accord. Pour Arte. Pour Arte. Je pense que c'est quelqu'un qui a acheté 1 million de télé. Non, mais attends, c'est Arte en France ou Arte en Allemagne? Parce que Arte, c'est une. Les deux. Putain, c'est GG. Parce que c'est diffusé justement en Allemagne et en France, Arte. Oui, puisque Arte, c'est une chaîne franco-allemande. Voilà, tout à fait. Et en fait, ça c'est pour ça qu'on a des pièces de théâtre bizarres. Voilà, aussi. Mais sinon, non, c'est vrai, ça faisait 1 million en tout de c'est personnes. Arte, ça veut dire art en espagnol. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, au niveau donc de la série, ça ferait quand même 1 million de vues de téléspectateurs. C'est quand même assez incroyable sur Arte, quand même. C'est vraiment un truc incroyable. Et franchement, voilà. Et la série donc est en cours de réflexion pour savoir si ils vont produire la saison 3 ou pas, parce qu'en fait, comme ça n'a pas beaucoup marché là-bas dans la télé suédoise, donc franchement, voilà, c'est vraiment dommage qu'une série s'arrête sur la deuxième saison, qui franchement nous a laissé sur un putain de cliffhanger. Et franchement, je suis pressé que ça revienne en fait. Ils ont qu'à demander à Ikea de leur faire de la pub. Ça, ils ont de la tête. Oh putain. Oh non. Bon, hormis la blague foireuse de l'autre, ah, ouais. Non, mais ça peut faire comme Futurama, tu sais, où ça fonctionne. Pas aux USA, mais que ça fonctionne pas mal en Europe. Oui. Donc là, si ça marche pas dans le pays d'origine, ça peut bien fonctionner à l'étranger et qu'ils continuent la série. C'est possible, ça aussi. C'est vrai que d'un autre côté, c'est vrai, ça serait bien en tout cas. Mais franchement, voilà, je suis assez attristé. En tout cas, c'est toujours en cours de discussion. Et franchement, voilà, ça me déçoit. Donc, Lens, toi, tu connaissais Real Humans aussi, toi, de ton côté. Oui, je connais vite fait le speech comme ça, mais j'ai jamais regardé vraiment un épisode en entier. D'accord, ok, d'accord, très bien. Bon, est-ce que vous avez connu aussi, vous, Real Humans, sinon, après que j'ai parlé, ça vous dit quelque chose? Vous avez peut-être vu des grips ou des trucs comme ça, non, de votre côté? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Jerry, de ton côté, non plus? Non. D'accord, ok, très bien. Bon. Bah, j'aurais essayé. J'adore cette réponse. C'est court, c'est précis, c'est net, y a rien à dire. Allez, sinon, je vais vous parler d'un autre film tout de même. Et là, parce que, comme je parle de séries et de films, j'ai envie de vous parler de quelque chose que j'ai été voir au cinéma. Donc, vous avez dû voir sur la page Facebook que j'ai allé voir ce film. Je veux parler, bien sûr, mesdames et messieurs, de The Avengers. Eh ouais, j'avais envie de parler de The Avengers parce que ça fait du bien du Hans Zimmer, putain. Ah ouais, non, c'est Hans Zimmer. Si, c'est Hans Zimmer qui compose Avengers. Ah, je m'en rappelle plus. Oui, il me semble que c'est le tout premier, en tout cas, c'est lui. Et je crois que le deuxième aussi. Non. Google est ton ami. Et je crois que Danny Elfman en a fait partie aussi de la musique des Avengers. Je suis pas sûr. Oh là, tu me mets dans le doute d'un coup là. Mais je crois que c'est vraiment Hans Zimmer. Attends, je vais regarder. Le premier, en tout cas, je suis sûr. Mais attends, je vais regarder ça tout de suite de mon côté sur les informations du net. Merci Internet d'exister tout de même. Internet pour est ton ami. Oh oui, Internet est notre ami à chaque fois pour chercher. Musique, eh ben non, tu vois, on se trompe tous parce que c'est Alan Silvestri. C'est Alan Silvestri. Bordel de merde. Sérieux? Ouais. Et c'est un fail. Ouais, c'est un fail, c'est sûr. On s'en fout, on dit qu'il a copié Hans Zimmer et puis voilà. Donc, comme ça, j'ai raison. Donc c'est Alan Silvestri pour le premier film. Et pour le deuxième film, je suis en train de regarder en même temps. Hop, c'est pour le deuxième film, il me marque jamais les trucs. Si la bande originale, justement, bah tiens, j'avais raison, c'était Danny Elfman qui a fait le numéro 2. Bon bah ok. Voilà, Danny Elfman qui est un très très bon compositeur, ouais, qui a fait pas mal de musique et tout. Et franchement, voilà. De toute façon, la musique en général, elle est géniale. Voilà, la musique en général, elle est géniale, elle est superbe. Et voilà, franchement, merci les gars d'avoir fait ces musiques incroyables. Et donc, j'avais envie de vous parler donc de Avengers 2, le deuxième qui était sorti au mois de mars, que j'ai vu il y a presque une semaine. Parce que voilà, je n'ai pas eu le temps et là, j'ai eu le temps d'aller le voir quand même. Et j'ai envie de donner mon avis. Dans notre magnifique cinéma. Ouais, dans le magnifique cinéma où les sièges sont dégueulasses. Eh ben justement, je vais te dire, les sièges sont dégueulasses, vivement qu'ils les changent, ils avaient promis. Non, ils ne changeront jamais. Ah ouais? Non, sans rien, puisque un petit mot entre Mulsanne. Ouais. Parce qu'en fait, la sauce, elle a été liquidée. Ouais. Et c'est la mairie maintenant qui récupère le cinéma. Et quand tu vois à quel point le maire est compétent, oui, tu te doutes que le cinéma va bientôt avoir de nouveaux sièges. D'accord, ok, d'accord. C'est méchant. Oui. Allez, sinon, quand même. Tu disais? Ça parle mal. Ouais, ça parle mal, c'est sûr. Donc sinon, au niveau donc quand même du film Avengers 2, ben franchement, j'ai trouvé ça pas génial, mais pas mal. Je vais vous expliquer pourquoi en fait. Donc l'histoire, le pitch plus précisément, c'est l'histoire donc de Robert Downey Jr. alias Iron Man, alias Tony Stark, qui décide d'utiliser une forme, une sorte de Jarvis numéro 2 qui pourrait sauver le monde et tout et le remplacer dans son costume d'Iron Man, etc. Et celui-ci va faire d'une grosse connerie et il va créer Ultron qui va foutre le bordel partout sur Terre. Voilà, c'est le pitch habituel de ce film. Et au niveau du film, franchement, eh ben, y a des moments où c'est très bien, c'est vraiment pas mal, etc. et tout. Et il y a des moments où ça devient un tout petit peu longué, etc. et tout. Un peu nawak, voilà. C'est vraiment, ça part vraiment un peu nawak. L'humour est omniprésent quand même dans cette série. Et cette série est franchement. Ce film est franchement sympa quand même. Bon famille, mais voilà, c'est pas le même Avengers qu'il y avait dans le premier. Ça manque de tact, voilà. Par rapport à l'humour, ça dépend des personnages aussi. Oui, ça dépend des personnages, ça c'est vrai. Est-ce que vous avez vu Avengers 2 et est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé, vous, de votre côté? Je l'ai vu. Oui, moi je l'ai vu aussi. Alors, on va commencer petit à petit. Jerry, tiens, par exemple, comme t'étais chaud, tu voulais parler au début. Vas-y, je t'écoute, Jerry. Parce qu'en fait, moi ce que je sais plus, c'est avec toi qu'on avait discuté de ça. Bah, je t'avais dit que c'est surtout un film, en fait, où il y a vraiment une histoire qui se. C'est pas que de l'action comme les autres épisodes. Mm-hmm. Et surtout, moi, ce que je trouve qui est stupide, c'est que, en fait, au début, il y a un méchant, là, de l'Hydra. Et en fait, si on veut vraiment savoir l'histoire de ce personnage, d'après ce que j'ai compris, il faut regarder la série, là, le Shield. Tout à fait. Il paraît, oui. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu stupide parce que si la personne ne s'intéresse pas du tout à la série, donc du coup, il est complètement paumé. C'est sûr. C'est sûr que d'un autre côté, sinon, on est vraiment perdu d'un autre côté. Donc, et puis, je me rappelle aussi d'une polémique qu'il y avait eu par rapport aux acteurs qui jouent, je pense, bah, les acteurs mâles. Là. Enfin, je ne sais pas, attends, c'est le Captain America et je ne sais plus qui d'autre. Thor. Et en fait, Thor. Et en fait, ils avaient dit comme quoi que l'actrice, en fait, Scarlett Johansson, était une salope parce que du coup, dans le film, elle était, était avec Hulk. Ouais. Donc ça, c'est un spoil. Et en fait, du coup, il y a eu toute une polémique parce qu'en fait, eux, ils parlaient de ça par rapport à leur personnage, pas par rapport à la vie réelle. Donc du coup, c'est comme si je disais, Foulou, c'est un connard. Mais c'est vrai, ça. Sauf qu'il y a une part de vérité. Oui, c'est vrai que c'est vrai, c'est la vérité. Ouais. C'est ce que j'attendais de vous, les mecs. Non, mais enfin voilà, ça m'a fait marrer. Excusez-moi. Oui, Clems. J'ai plus de Wi-Fi dans 2 minutes, donc mon avis vite fait sur Avengers 2, c'est bien. Des fois, il est pas mal. Des fois, il est un peu long. Des fois, il y a trop de verres cassés. Mais sinon, franchement, c'était cool et j'ai bien aimé Ultron. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout, 42, voilà, 3 x 3, ça fait 42 maintenant. Je vais graver ça dans ma mémoire et puis Elle a compris enfin qu'il fallait participer à la blague, merci Clems. Sinon, Pavel, tu voulais dire à propos des Avengers 2. J'ai pas fini, moi. Ah oui, non, bah vas-y Jerry, pardon, excuse-moi. Et moi je voulais aussi dire qu'en fait, c'est normal, il y a 3 phases dans la phase de Marvel, là on est à la fin de la deuxième, et en fait... Vas-y Jerry, continue, on t'écoute. Ils ont décidé de faire une quatrième phase. Et en fait, là, ça devient un super, super gros bordel. Donc, en fait, on va avoir du Avenger et tous ses potes pendant encore quasiment 15 ans. Et là, ça commence vraiment à être vraiment la catastrophe. Et surtout, l'histoire avec Ultron, moi, d'après le dessin animé que j'ai vu, c'était le mec qui fait Ant-Man qui a créé ce personnage d'Ultron. Donc, je comprends pas pourquoi dans le film, c'est Tony Stark qui l'a fait. Mais bon, voilà. J'ai pas entendu. Ouais, non, c'est parce qu'il y a Ben qui était en train de me parler derrière. On était en train de parler en antenne de l'autre côté du film et tout. Voilà, il disait qu'il avait pas trop bien aimé non plus de son côté. Il a trouvé même ça un peu longué, hein, mon Ben. C'est ça que tu disais de ton côté. Non, pas du tout. Non, fou, t'es qu'un seul. Bah, j'ai mal entendu alors. Non, je disais qu'on reçoit quelques retours. Oui, non, mais non, ça, faut qu'on parle en antenne. On reparle en antenne. Bon, c'est moi qui vais parler du film. Vas-y, Benny. Voilà, puisqu'on, avec Ben, on avait été le voir ensemble, le film, et puis, on avait quand même trouvé le film plutôt sympa. Même si, comment dire. Il y avait certains personnages qui différaient du comics. Je pense principalement à Ultron. Puisque dans le comics, il a un humour qui est beaucoup plus noir. Et ça rend le personnage beaucoup plus attachant. Après, je sais pas si vous avez lu le comics ou pas. Je suis le seul là ? Non, désolé, non, moi je l'ai pas lu personnellement. Ah d'accord, bon c'est pas grave. Et sinon, je pensais plus pour le personnage de Vision. Bon, c'est... Oui, le personnage de Vision, c'est vrai qu'il était... C'est un peu dispoil, mais le personnage de Vision, on s'attend beaucoup à... Enfin, on attend beaucoup plus de lui. On nous présente vraiment comme un personnage vraiment totalement overcraqué. Et on le voit pas grand-chose, on en voit pas grand-chose. Exactement. Mais il reste pas moins overcraqué, excuse-moi. Oui, il reste overcraqué, je suis d'accord. Mais dans le film, on nous le, enfin comment dire, on le voit pas. Je me souviens juste de 2-3 scènes où on le voit vraiment se battre. Ouais, on le voit pas beaucoup. C'est vrai qu'on le voit plus. Excusez-moi. Bah, c'est ça. Excusez-moi, j'ai spoilé, mais d'un autre côté, on le voit qu'à la fin. Mais voilà quoi. Le personnage, ils lui font une entrée vraiment héroïque. On lui voit comme une renaissance du perso et tout. Et on le voit 5 secondes se battre. Oui. Voilà. C'est vrai. C'est décevant, je suis désolé. Si, à la fin, quand il bute le méchant, mais ça, tout le monde s'en doutait. Oui, bah, ça, d'un autre côté. Mais il tire un laser avec son front. Oui, mais c'est Superman. Non, je crois que dans le film, tu le vois pas le tirer avec le. Attends. Si, non, il le fait pas. Si, le méchant, il dit un truc et puis paf, laser dans la gueule. Ah oui, c'est tout. Genre, ferme ta gueule. Ouais, c'est tout. Genre, tu me respectes. Mais ouais, mais dans le même genre du tu me respectes, le mieux, c'est. C'est Loki avec Hulk dans le premier. Oui, Loki. J'en étais sûr. Et attention, attention, blague, blague du boulet. Attention, blague du boulet. Non, non, mais faut que je fasse la blague là. Thor à Loki, mais est-ce que Loki a tort? Ouais. Voilà, hashtag boulet, je vous avais prévenu. Je vous emmerde, parce que moi je ne suis pas une fangirl fan de l'acteur, puisque j'aimais le personnage de Loki. Le personnage de Loki est vraiment amusant. Oui, non, non, mais j'aimais déjà Loki avant de connaître Avenger, puisque je connaissais la mythologie nordique, c'est tout. Non, donc mais voilà, au-delà de l'aspect mythologique, dans le comics, il est plutôt amusant, Loki. Oui, je sais. Mais voilà. Mais c'est juste parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'une personne dit j'aime Loki, tout de suite, ah, t'es une fan girl, t'es trop fan de l'acteur, tout ça. Non, c'est juste que Loki est un personnage génial. Mentez, on sait que t'es une fan girl, on le sait. C'est un personnage méchant qui est excellent, voilà. Par contre, les gens, je pense qu'on va arrêter de monopoliser la parole et on va laisser Boifou parler. Ouais, non, non, non, y a pas de souci, t'inquiète pas. Faut pas laisser parler celui-là, il dit que t'es... Voilà, je t'emmerde, Jerry. J'approuve ce que dit Jerry, ouais. Les enfoirés. Mais totalement, totalement. Donc, Putain, déjà 11, les mecs, hein. Donc, sinon, ouais, à au niveau... Que Bafou ne fera pas partie du prochain podcast. Au revoir, Bafou. Bon, fou, on prend les rênes de l'émission. Putain, il nous a explosé les oreilles. Ah la vache. Merci. Je suis obligé d'enlever le casque parce que j'ai les oreilles niquées à cause de toi. Donc sinon, ouais, sinon, sérieusement quand même, au niveau donc du Avengers 2, j'avais envie de dire aussi, putain, mais arrêtez avec votre 3D de merde. Parce que franchement, j'ai été le voir en 3D et faut arrêter vraiment de faire ces films en 3D parce que franchement, ça ne change rien à un film, quoi. Ça fait vraiment mal. Ça dépend quoi. Des films. Il y a non. Certains films, c'est super bien fait. Moi, j'avais vu le deuxième Thor, il était superbe. Mais non, mais Jerry, justement, mais voilà, je veux pas être méchant, mais ok, pour certains films, c'est vrai que la 3D est une bonne chose. Mais d'un autre côté, je suis désolé, mais moi, j'ai trouvé ça, mais franchement, faut arrêter, quoi. Faut vraiment arrêter les films. Pour te taxer 1,50€ de plus. C'est oui, tout. C'est principalement ça, mais de toute façon, dans 99% des cas, la 3D sert strictement à rien. Mais oui, Là, je parle pour le. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui vient. C'était du bruit italien apparemment. C'était R2D2? Non, c'était pas R2D2. Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? Ouais. J'ai entendu. Il y a eu du bruit italien apparemment, c'est ça. Voilà, il y a Tali qui vient de tuer un chat ou je ne sais pas voilà, quoi. Voilà, c'est fait. Ça. Du coup, je reviens à ce que je disais. On non, avait dit pas des chats. Mais oui. Bon, du coup. Il y a un souci avec les chats. Ah, mais le sport, là. Vas-y, continue. Non, je disais par rapport à la 3D, récemment j'ai été voir le dernier Mad Max et la 3D n'apporte strictement rien. Il y a juste une scène où on ressent vraiment les faits, mais ça sert strictement à rien, ça sert même pas le scénario, il y a rien. Bon, sinon tout de même, au niveau du film, bah voilà, c'est un bon truc familial. Je vous le conseille vivement tout de même dès qu'il sortira en DVD et en Blu-ray ou qu'il sortira sur d'autres plateformes de VOD pour vous faire un petit peu plaisir. Mais voilà, franchement, ça m'a pas vachement... C'était bien, mais sans plus, quoi. Voilà. J'avais envie de dire, non, c'était bien, mais sans creux. Plus, quoi. C'est, en fait, ils auraient dû finir la deuxième vague avec ce film, mais pourtant, ça sera, je crois, Ant-Man qui sera la fin de la vague. Donc, c'est un peu bizarre. Je crois qu'ils sont en train de, comme j'ai dit, ils sont en train de se mélanger les pinceaux. Il y a trop d'épisodes, il y a trop de trucs différents. Mais il y avait pas aussi un Gardien de la Galaxie 2 qui était prévu? Il est prévu, justement, ça mais aussi. Pas maintenant. Mais si, dans 2-3 ans. Hein. C'est pas maintenant, c'est vraiment pas maintenant. Sinon, j'avais lu un petit truc vite fait, une petite information cinéma. Après, je vais laisser la parole à je m'en rappelle plus de mon programme, je suis en train de regarder, à Tali. C'est à moi. Non, c'est à Tali. Non, c'est à moi. Ah non, on avait dit Tali. On avait dit Tali, Jerry Pavel. Oh là là, ils commencent à se faire tard les mecs. Hein. Ah, ça va, oh, t'as le temps. Donc, on va vite fait, comme une petite information, il paraît qu'au niveau de Netflix et Marvel, il va y avoir d'autres séries qui se prévoient, comme par exemple Ghost Rider, la série. Je veux Nicolas Cage dans cette série. Ah non, je veux. Ah non, si, non, non, non, non, si, non, si, si, si. Non, pas sérieux. Nicolas Cage, non. Ah si, si, non, si. Non, non. Sinon, on fout Nicolas Cage en Superman. Ouais, Superman. Oh, ouais. Putain. Dans le nouveau Superman, dans le prochain Batman vs Superman. Oh putain. Ah oh, ouais, il serait magnifique. Ouais. Et sinon, on vite fait. On va retourner les scènes avec lui. Ouais. Vite fait, il y aura aussi une série Blade. Il y a eu déjà une série Blade, mais il y aura une nouvelle peut-être. Donc, qui a fait un gros flop. Ah ouais, gros flop, mais vraiment très gros flop. Et il y aura aussi Punisher. Voilà, au niveau des séries, peut-être qu'il y aura sur Netflix de la part de Marvel. On va passer. Atali, pour tout ce qui est RPG, tu es prête, ma chère Atali? Parfaitement. Bon, eh ben c'est parfait parce que moi je ne suis pas prêt. Donc Atali, tu peux nous dire vite fait de quoi tu vas parler? Eh bien, je vais vous parler d'un RPG Game of Thrones. Eh ben, c'est mais parti. Attention, eh ben, vous savez quoi, il n'y aura même pas de spoil. Oh, eh ben, c'est parfait. Allez, c'est parti pour les jeux de rôle de Tali. La rubrique jeux de rôle. La rubrique jeux de rôle. Avec Tali. Salut tout le monde. Bon ben, j'en ai un peu parlé, mais donc aujourd'hui on va vous parler, je vais vous parler d'un RPG Game of Thrones qui s'appelle Dracarys. Il a ouvert il y a pas longtemps, ça doit, il doit avoir un ou deux mois. Il est assez sympa et en plus il est génial parce que pas besoin de connaître toutes les saisons, pas besoin de connaître tous les livres, puisqu'il ne s'appuie que sur la base de l'histoire de Game of Thrones, c'est-à-dire la bataille du Trident pour ceux qui connaissent à peu près. C'est au lieu que ce soit Robert Baratheon qui gagne la bataille, donc renverse les Targaryens en tuant Ragnar. Ragnar, oui, parfaitement, Tali, mélange des univers. Donc c'est Robert Baratheon qui a tué. Et je continue avec mon Ragnar, Rhaegar Targaryen. Et bien, dans ce contexte, c'est Rhaegar Targaryen qui a tué. Robert Baratheon, et dans le coup donc le contexte se base sur comme si le règne des Targaryens avait perduré. Donc bien entendu le roi fou est mort, donc les Baratheon ont été mis en exil, ils sont partis sur les terres d'Essos. Et donc c'est un contexte assez sympa. Moi personnellement ça fait je suis presque depuis le début sur le RPG. Je vais pas dire que je suis une excellente membre puisque je n'ai quasiment pas RP, alors que le RPG est vraiment bien, assez particulier puisque les techniques de RP sont assez différentes de ce que duquel j'ai été habitué. C'est vraiment une grosse communauté assez sympathique, mais le problème c'est que moi, vu que j'ai tendance à être un peu absente, je suis pas très très intégrée au truc, mais pourtant les membres sont très gentils. Là actuellement, là, je vais vous parler de la dernière intrigue qu'il y a eu. Donc, il y a eu deux événements récents qui ont été le mariage de la princesse Daenerys Targaryen à je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais chercher. Elle connaît même pas son sujet. Dans merde. Pas de ma faute, je les aime. Eh, la violence, les jeunes, un petit peu, là. Va falloir se calmer, hein. Va falloir se calmer un petit peu, hein. C'est le Valdarine, donc. Je disais, donc, il y a eu deux événements récents qui ont été le mariage de la princesse Daenerys Targaryen à Elber Tarin, qui était le neveu de Jon Arryn, pour ceux qui connaissent. Durant cet événement, l'héritier du Valdarine, qui était. Je ne sais plus comment il s'appelle, est décédé, ce qui fait que le Valdarine revient à Elber Tarin. Donc voilà. Et on a eu aussi affaire au siège de Port-Réal. Donc en gros, c'est comme si qu'on avait refait la bataille de Aniara, sauf que cette fois, c'était les Targaryens qui étaient au pouvoir, mais c'était toujours Stannis et. Mince, comment ils s'appellent ? Stannis et Renly qui ont attaqué Port-Réal. Donc d'un côté, on avait. Les éléphants d'or, des éléphants, on avait les Immaculés, on avait aussi les deux Dothraki. Et par la mer, on avait la flotte de Stannis. Donc voilà, on était très très mal partis, pourtant on a réussi à s'en sortir. Et là, pour le moment, c'est assez calme, mais ça doit être le calme avant la tempête. Ok, d'accord, très bien. Et ben moi, de toute façon, je vais pas pouvoir t'aider d'un autre côté, Thalie. Je vais te dire pourquoi, parce que je n'ai jamais vu Game of Thrones. Je sais, c'est une honte, mais hérétique. Je n'ai jamais vu. Oui, je sais, non, je me rattrape. Pas le seul. Ah, bah merci, Pavel. En tout cas, tu me fais double plaisir. Double hérétique. Voilà, mais. Je compte le regarder un jour, j'ai pas eu l'occasion encore, c'est tout. Mais voilà. Disons que c'est intéressant, mais ça prend beaucoup de temps, et puis personnellement, la saison 1 est assez longue à démarrer et elle peut être ennuyante. Moi personnellement au début j'accrochais pas, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'y mettre, et pourtant maintenant je trouve ça vraiment cool, mais je préfère les livres. Et oui, j'ai d'abord regardé la série avant de me mettre au livre, mais pourtant je préfère les livres parce que par exemple il y en a qui connaissent Game of Thrones ici. De quoi? Les livres? Le livre ou la série, hein, comme vous voulez. Ah bah la série, moi oui. Moi j'ai vu D'accord, par exemple, le personnage... Je t'embête deux petites minutes, Tali. Moi, j'ai vu le jeu de société Game of Thrones. Non, je rigole, j'ai vu la série. Faudrait peut-être que je me mette à la saison 5 un jour. Moi, j'ai un pote qui est vraiment fan de Game of Thrones, qui a lu tous les bouquins. Et il dit que la saison 5, comparée aux bouquins, c'est strictement nawak. Puisque il... Je vais spoiler gentiment, je pense. Il y a une maison qui... Il y a une maison qui est la maison Martell, qui est extrêmement présente dans le bouquin. Oui, c'est ça. Qui est assez absente dans la saison 5, apparemment. Oui, c'est ça. Personnellement, je suis en train de regarder la saison 5. Et la maison Martell, donc, qui est la maison de Oberyn Martell. Ouais. Qui a eu quelques soucis durant la saison 4. Je ne dirai pas plus pour éviter de spoiler. Bah, à mon avis, la vidéo est extrêmement tournée sur YouTube, donc... Oui, non, mais je sais que par exemple parmi nous, elle n'est plus là, mais Takara n'a pas encore vu, voilà. Mais les Martell étaient aussi la maison d'origine de Elia Martell, qui était la femme de Rhaegar Targaryen, et qui a été assassinée par la montagne. Elle était la tante de Daenerys. Bref. Donc, ce que je voulais dire, par exemple, les différences notables entre le livre et la série, c'est par exemple le personnage de Khal Drogo. On est d'accord pour dire que Khal Drogo, c'est le meilleur. Dans la série, Khal Drogo, ils le font passer pour un putain de bâtard connard. Non. C'est un putain de barbare. On retrouve le côté barbare du perso, mais on voit qu'il est quand même sensible et tout. Oui, mais si tu veux, quand même, les premières scènes, par exemple, celle de le mariage de Daenerys. Oui. C'est quand même un putain de barbare. Oui, ou il la viole, oui. On est bien d'accord. Oui, mais tu vois, dans le livre, ça se passe pas du tout comme ça. C'est vraiment l'opposé de ce qui se passe, parce qu'il va être très attentif à... Il va être mais très... ça, on le voit à la fin de la saison 1. Oui, mais tu vois, non, c'est dès le mariage, parce que justement, Drogo, il va être très patient avec Daenerys, il va jamais la toucher sans qu'elle ne le veuille pas. D'accord. Il va être très doux avec elle, et tu vois, c'est même elle en fait qui va prendre l'initiative en prenant sa main et en le mettant entre ses cuisses, quoi. D'accord. Tu vois, ça se passe pas du tout comme ça, donc. Mais de toute façon, avec Khal, c'est pas vraiment mon moment préféré. Le meilleur moment avec Khal, c'est la couronne pour un roi. Oui, non, mais ce moment est tellement parfait, on est d'accord. Mais oui, c'est le meilleur moment de la saison 1. Ouais. A crown for a king. C'est ça. J'ai pas la voix grave pour le faire, mais putain, c'est tellement badass ce moment. Surtout, c'est qu'il parle en anglais alors que normalement il parle en Dothraki. Surtout que t'as pas les hormones pour. Ta gueule, je t'emmerde. À la base, je fais un cosplay Daenerys, moi, donc je peux pas faire. Oh non, encore un. Pourquoi personne fait un costume Sansa? J'aime bien Sansa, mais si tu veux, je suis pas rousse. Oui, mais Sansa, je la trouve beaucoup plus intéressante que Daenerys sur certains points. Oui, on est d'accord, parce que Sansa est méga intéressante. Putain, enfin quelqu'un qui trouve Sansa intéressante. Parce que, que j'étais déçu de la saison 4. Je dis pas pourquoi. Qu'est-ce que t'as déçu? T'as vu la saison 4? Bah oui, je l'ai vu, je suis un peu à la saison 5. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la saison 4? Ah non, tu vas spoiler. Justement, c'est pour ça que j'étais déçu. Personnellement, je l'ai trouvé bien en fait ce passage. Justement, tu moi j'avais pas lu les bouquins. Moi je lis pas les bouquins et du coup j'étais déçu. Bah, je sais pas, mais en fait ce moment-là, je me rappelle plus de ce que ça donne dans les bouquins. Mais j'ai bien aimé ce moment-là parce que tu as Sansa vraiment qui se révèle et tu te rends compte que ça est une putain de manipulatrice comme personnage. Donc j'adore le personnage de Sansa. Bon, sinon je suis désolé, on va clore un petit peu le débat quand même. Est-ce qu'on peut repartir quand même sur le RPG parce que y a du monde qui est pressé. Oui, désolé. Donc je disais que sur le RPG Dracarys, il est vraiment très intéressant. Pas besoin si on n'accroche pas à la série, mais qu'on aime par exemple l'idée, ça peut être intéressant d'y jeter un coup d'œil. De toute façon, le staff est assez gentil. Si vous avez des questions, il n'hésitera pas à vous aider. Donc voilà. Pour le moment, je n'ai pas d'autres informations sur le contexte. Donc on verra bien les prochaines semaines. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Ok, d'accord, très bien. C'est tout ce que tu avais à dire au niveau de Game of Thrones, Thalie? Ça. Ok, bah c'est super. Bah franchement, tu t'as fait quoi? Mais j'ai trouvé ça sympathique quand même. C'était avec un petit débat entre Benji et Thalys. J'ai bien aimé. C'était pas vraiment un débat, mais bon, c'est pas grave. Ouais, non, mais c'était au moins une bonne référence culturelle sur Game of Thrones. Et sinon, donc tu nous le recommandes quand même d'aller sur le forum pour s'éclater puis, sur ce RPG. Voilà. Puis comme toujours, je vous mettrai le lien sur la page, comme ça vous pouvez y faire un tour. Okay. Sur, si vous êtes intéressé sur le RPG, je suis Jalan Valerion Jordan. Voilà, c'est ça. Bref, je suis un Dornien. Je suis l'un des seuls Dorniens sur ce RPG. D'accord, ok. Bah, merci en tout cas, Tali, pour ces informations. C'était très sympa. J'ai bien aimé ce petit RPG. Et donc, tu nous le recommandes chaudement, c'est ça? C'est ça. Ok, bah, merci en tout cas pour ce petit. Oh, attendez. Je voulais juste donner. Parce que j'ai appris cette information ce matin. Oui. Mais je tenais à rendre un hommage à la responsable des effets spéciaux de. Oui, t'as lu mon tweet et mon post Facebook, ouais. Voilà, donc je tenais à rendre un hommage à cette personne qui faisait vraiment un excellent travail et qui est morte parce qu'elle était tuée par une lionne en Afrique du Sud. Ouais, alors qu'elle faisait de la protection des animaux, et ça c'est franchement voilà. C'est un coup dommage, des Lannister. En tout cas, voilà. C'est toujours les Lannister. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, non, franchement, voilà, j'ai été attristé par cette affaire. Vous avez eu vent de cette affaire, vous, Jiri et Pavel, de votre côté? Vite fait, d'accord. Mais en tout cas, voilà, moi, j'étais très attristé. Bon, maintenant, on va passer à Jiri. Jiri, en fait, il avait plus envie de parler de jeux vidéo, il avait envie de sortir des gros dossiers. C'est ça, mon Jiri. Il va parler de Nicolas Cage. Non, un petit dossier, comment on peut dire, nostalgie, on va dire, hein, par rapport à une émission. Eh ben d'accord. Nostalgie, la radio. Je vais vous faire un petit peu participer. Allez, faire participer. Alors, c'est une émission où il y avait des mangas dedans. D'accord, ok. Alors, votre avis, c'est quoi? Eh ben attends, on va attendre le jingle d'abord un peu. Ouais, vas-y. Ouais, ça serait mieux quand même, non hein? Parce que j'ai peut-être pas bossé pour rien quand même. La rubrique dossier. Avec Jiri Storm. C'est bon, donc c'est une émission où il y avait des mangas dedans. Donc, à votre avis, c'était quoi? Club Dorothée. Le Club Dorothée. Ouais, magnifique. Ils étaient au courant ou ils ont découvert ça comme ça? Non, je pense qu'ils ont découvert ça eux-mêmes, d'un autre côté. Bah non, mais c'est pas compliqué. Manga, émission, voilà. Après, il y a d'autres... Ouais, c'est vrai que... Ouais. Après, je connais de vieilles émissions comme ça. Je connais juste Croque Vacances et Club Dorothée. Donc, j'avais une chance sur deux. Tout est lié. Eh, mais il y avait Récréa 2 aussi, hein. Et il y avait Récréa 2, ouais, je crois. Ah oui, c'est vrai. Mais Récréa 2, en fait, c'est l'ancienne émission. Dorothée a travaillé déjà à quasiment toutes les personnes sur cette émission avant. D'accord. Parce que là, j'ai vu une émission, en fait, une rediffusion d'une émission... 2007 avec Drucker, c'est pas le genre de truc que je regarde, mais vu que c'était sur Jiri, Dorothée... ton micro il déconne, Jiri, ton micro commence à bugger à mort en fait. Il commence à faire un bruit énorme en fait de ton côté. Va falloir que tu le bouges un tout petit peu de ton côté parce que en fait ton micro vient de bugger à mort en fait. On a eu un putain de son horrible. Bon bah ça sera réglé au montage. Et d'habitude voilà. Est-ce que t'as réussi à régler? Alors par contre, oui, si on peut débuter en fait, voilà, merci. Est-ce que c'est mieux, là? Ah, c'est beaucoup mieux. Vas-y, Jiri, continue, donc, sur le club Dorothée. Donc, en fait, sur Recréa 2, en fait, tous les animateurs étaient déjà présents sur Recréa 2, ouais. Notamment Dorothée. Alors, vous saviez, est-ce qu'il y a eu de présentateurs total? Il y en a eu 5 ou 6, si je m'en rappelle bien. Sans compter les intervenants, sans les autres intervenants, six. Comme Cabu. Parce qu'à la fin, il y a eu un certain Eric Galliano. Donc je vois pas du tout qu'est-ce que c'est. C'est une personne qui devait. Il était arrivé dans les dernières années du club d'eau. Hein. Il était vraiment arrivé dans les dernières années du club d'eau. Et voilà, ça a été un petit moment et tout. Moi, je propose d'écouter un petit peu le jingle du club de Dorothée. C'est un peu drôle. Eh, Franchement, c'était pas de la musique de non, l'amour mais... quand même d'un autre côté. Non mais tu sais, t'aurais mieux fait de mettre Bernard Minet, ça aurait claqué encore plus. Ah non, quand si. Même pas, non, si, faut si. Pas non plus. Chevalier. Voilà, je pensais au chevalier du Zodiac, ça aurait claqué à mort. Bon, sinon, vas-y, il y a Tali qui voulait dire un petit truc vite fait sur le club d'eau, un truc comme ça. Jerry, ton micro il rebug encore, c'est horrible. Jerry, sors le micro de tes fesses. Ouais. Donc Tali, tu voulais dire un petit truc vite fait peut-être sur le club d'eau. Non, j'ai rien de spécial à dire là-dessus, moi. Ah d'accord, ok, d'accord, très bien. Sinon... Non, par contre, je vais juste vous abandonner en fait parce que je commence à avoir un putain de mal de crâne et en plus, donc j'ai essayé de couper l'ordinateur. Faible nature. Ah bah y a pas de soucis, je te fais le gros bisou Tali. D'accord, bisous tout le monde. Bisous, à plus. Salut. Donc ouais, sinon Jerry, vas-y, continue sur le club d'eau. Donc il y avait 6 animateurs, Dorothée, Ariane, Corbier, Jackie, Patrick et Eric. Ouais. Toujours là? Oui, on t'entend, t'inquiète. Toujours, enfin pour un bar en tout cas. Ah, en tout cas, plus de bruit. Donc, alors, c'est une émission qui a quand même duré du 2 septembre 87 au 30 août 97, donc quand même 10 ans, hein, c'est pas mal. Et à partir de... Bah, ils ont eu pas mal de soucis avec le CSA. Est-ce que, Bafou, tu pourrais nous diffuser la vidéo, là? Alors, oui, il faut que je la retrouve, t'es mignon, toi, parce que je l'ai perdu. Là. Je l'ai perdu, en fait. Tu l'as perdu. Ouais. Ah, mais tu perds toujours au mauvais moment. Toujours professionnel, ouais, je sais, je suis désolé. Attends, je suis en train de la retrouver justement. Si le programme veut bien se mettre, voilà, hop, je l'ai. Il est là. Le lien. Attends, le lien est en train de s'apparaître en fait. Je suis en train de le chercher. Je te dis, mais Bernard Minet pour combler. Ouais, non. Mais ouais, mais Bernard Minet. Hein. Non, mais ce qui est incroyable dans cette émission, c'est la variété de ce qui est diffusé. T'avais les programmes live japonais, genre Bioman. Ouais. Il y avait des dessins animés. Il y avait aussi les trucs de AB Productions. Il y avait pas aussi les sketchs de l'équipe en plus? Mais si. Ouais, il y avait des sketchs avec pas de pitié pour les croissants, genre de conneries. C'est incroyable le nombre de trucs qui étaient diffusés là-dessus. Quoi. Mais ils faisaient quand même plus de 24 heures de live. Hein. Il y avait même plus de 24 heures de live. Et c'est vrai qu'il y avait les Doctor Who aussi qui étaient diffusés justement dans le club Dorothée, mais c'est vrai qu'il y avait plus de 24 heures de live quand même, ce qui était énorme de la part de Dorothée, et franchement c'était un truc assez incroyable. Il y avait beaucoup de personnages autour, hein, comme Sarah, là, le dromadaire extraterrestre. Oh, alors oui. Il brodait des histoires de fou là. Mais ouais, non mais c'était pendant les vacances. En plus, c'était les émissions des vacances quand ils enregistraient et tout, c'était vraiment énorme. Je m'en rappelle. Après il y avait aussi les mangas avec les traductions foireuses, genre Ken le Survivant. Hein. Mmh. Oui, on en a déjà parlé la dernière fois. Ce débat est clos. Oui, ce débat est clos. C'est un truc de fou. Et en plus, c'est à cause de Ségolène Royal qu'ils ont arrêté. Tu sais quoi, Jerry? J'ai retrouvé la vidéo et je te propose qu'on l'écoute. On y va. Allez, c'est parti. Voici donc la vidéo que Jerry a parlé. Écoutez bien, c'est très intéressant. Salut, c'est Kelchbeut. Si vous êtes né entre les années 70 et 90, il y a de grandes chances pour que durant votre enfance, comme moi, vous ayez passé vos mercredis en compagnie d'une personne très spéciale. Une jolie blonde au long nez qu'aimait caricaturer son pote Cabu. Dorothée et sa bande de joyeux guignols nous ont accompagnés pendant une grande partie de notre jeunesse par le biais de Récré à deux et ensuite du Club Dorothée. Le plus beau cadeau qu'il nous ait fait, c'est de nous faire découvrir les dessins animés japonais. Ces merveilles dérivées des mangas qui, même à l'âge adulte, continuent à passionner un grand nombre d'entre nous. Tout allait bien jusqu'à ce jour maudit de 1997 où on nous a privés de notre copine de toujours. Après presque 20 ans passés à divertir les enfants de France, Dorothée et sa bande de joyeux lurons disparaissent des écrans privant nos petits frères et sœurs de ce qui avait égayé notre enfance. Ce dont peu de gens se rappellent, c'est de la cause de l'éviction de Dorothée. Alors je vais me faire un devoir de vous rafraîchir la mémoire. À la fin des années 80, une certaine Ségolène, dont je tairai le nom de famille par respect pour son anonymat, décide de partir en croisade contre la violence à la télévision. Avec l'aide d'Hervé Bourges et de plusieurs associations de blaireaux de leur espèce, elle parvient au terme de plusieurs années d'un rude combat à faire disparaître de nos écrans l'émission qui a bercé notre enfance. En prenant les dessins animés comme bouc émissaire pour tous les problèmes liés à la jeunesse. Conneries sans nom qu'on avait déjà fait avec le rock'n'roll, la musique du diable, plus tard le cinéma d'action, et maintenant c'est au tour des jeux vidéo. Décidément, les abrutis ont pas fini de faire chier les jeunes. Eh oui, vous n'en aviez peut-être pas conscience, mais ces enflures de politique n'ont même pas eu la décence d'attendre qu'on sorte de l'enfance pour commencer à nous casser les couilles. Non content de nous piquer notre fric à l'âge adulte, ils n'ont pas pu s'empêcher de nous pourrir nos mercredis quand on était gosses. Le temps a passé et j'ai fini par te pardonner, Ségolène. Après tout, t'en as déjà assez chié comme ça. Se faire larguer par le plus gros naze de la création, c'est bien assez humiliant comme punition. Par contre, je te cache pas que j'ai quelques potes qui sont légèrement plus rancuniers que moi. Je vous laisse vous expliquer, toi qui aimes pas la violence, tu vas être servi, ma grande. gueule. Donc là, vite fait, c'était pour expliquer à peu près tous les dessins animés qu'il y avait là-bas et tout. C'est belge, ici c'est réservé aux mangas. Toi le grand, tu te trouves ta gueule ou je te défonce. Il ne te reste que 4 secondes à vivre. Eh oui, ma pauvre Ségolène, fallait pas faire chier Dorothée. Ah, mais j'y crois pas, je suis encore en vie. Félicitations, tu viens de comprendre que les dessins animés sont inoffensifs. Allez, casse-toi de mon cartoon, tu me gonfles. Eh, reviens ici, la coincée du cul. C'est à cause de toi que j'ai jamais vu les derniers épisodes de Dragon Ball Z. C'est presque fini, alors je voulais vous dire que j'ai eu l'agréable surprise de constater que Seb Lafrite et Chris de Minute Papillon étaient abonnés à ma chaîne. Ça fait plaisir de voir que mes conneries attirent l'attention des ténors de YouTube. Oh, tu fais quoi, mec? T'as pas utilisé nos noms pour te faire de la pub. Moi, utiliser vos noms pour me faire de la pub? Mais qu'est-ce que tu vas y... Imaginez là, Seb Lafrite. Nous, on n'a rien à voir avec tes cartoons débiles, alors te sers pas de nous, sinon... Sinon quoi? Vous allez faire quoi, les filles? Non mais vous avez vu comment vous êtes gaulées? On dirait deux moineaux anorexiques. Alors que moi, je suis un ancien bidage, j'ai peur de rien. Si vous me cassez les couilles, moi, je vous défonce la gueule. Oh putain, ça compte pas, j'étais pas prêt. Et qu'on t'y reprenne pas. Ok, j'ai compris. Chris, deux minutes, papy. Calchebeut Cartoon Trash, une chaîne YouTube recommandée par Ted La Chips et Brice de Minute Libellule. Et voilà, en tout cas, c'était très intéressant d'un autre côté, et c'est vrai que ça montre en tout cas que au niveau de tout ce qui est anime manga, bah c'était pas le mal, et c'est vrai que c'était à cause de Ségolène Royal qu'on nous a privé de tous ces clubs d'eau, etc. et tout, de plein de choses derrière, et c'était vrai. Passion. Comme tu disais. Elle nous vole notre passion. Ouais, ça c'est sûr qu'elle nous vole notre passion d'un autre côté. Et puis attends, j'ai un petit truc à raconter vite fait. Vous avez connu quand même le club 2 ou pas? Bah de nom, mais j'ai jamais regardé. Je sais ce qui s'y passait. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que voilà, c'est bien dommage. Et parce qu'en fait, moi quand je suis né, l'émission s'arrêtait. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, d'accord, oui. Et c'est le bois. Ouais, ça c'est sûr que c'est le guac, c'est le guac, c'est le guac. Donc voilà, c'est pour ça que on peut pas faire comme on peut. Et c'était dommage quoi. C'est à cause de la Ségolène. Et j'avais vu même à un moment dans un club d'eau où en fait on voyait le livre de Ségolène dans une poubelle. Je vous jure. Sympa. De Dorothée. C'était bien foutu. J'ai trouvé ça très très très drôle de la part de Dorothée. Jiri, tu voulais dire ensuite? Sinon, après, on va revenir sur les sujets dont on avait parlé la semaine dernière, notamment avec le doublage, tout ça. Donc, voilà. Je pense que c'est pas la peine que je m'étoffe trop. Quoi. D'accord. Par contre, ton micro, il grésille encore, mon Jiri. C'est horrible, là. En fait, j'ai l'impression que ton micro est en train de lâcher. C'est bon, il y en a... Je le sais pas encore, mais il est déjà mort. Ouais, je pense aussi. Voilà, dans seconde, il va exploser. Ouais, je pense aussi. Mais en tout cas, voilà. Bah, en tout cas, non, c'était très drôle, c'était très sympa pour cette petite vidéo. Merci, Jiri. En tout cas, c'était vraiment très, très, très intéressant. Merci en tout cas, Jiri. Franchement, merci. J'ai bien aimé. Et puis, ça racontait au moins l'époque où Ségo nous a privé de cette émission qui était le club d'eau. Elle nous a volé notre enfance. Ouais, non, franchement, elle nous a volé notre enfance. Et ce qu'il disait en plus, ce qui est bizarre, c'est que quand le club d'eau s'est arrêté, il y a eu un problème au niveau des adolescents, etc. et tout. Ouais, c'est ce qu'il disait dans la vidéo. Il y a un moment où au moment où ça s'arrêtait, c'est parti en couille, etc. et tout. Et bon, on avait quand même encore de très bons dessins animés, comme il y a des très bons trucs, comme les Minicams qui existaient derrière après. Puis après, c'est parti dans les Ludo, etc. et tout, qui franchement, mais moi, c'est vraiment nul. Voilà. De toute façon, moi, je trouve que ça a beaucoup descendu la qualité des émissions de dessins animés. Hein. Il y avait aussi ce M6 Kid qui était plutôt correct. M6 Kid, c'était pas mal, puisqu'il dit, moi, je me souviens surtout de la vieille série Transformers qui diffusait, qui était juste géniale. Donc ouais, voilà, c'est vrai que il y avait même Sakura Card Captor aussi, bah qui oui, était sur M6 bah Kid. Oui, Sakura Card Captor qui était mais génial. Ouais. Il y avait Yu-Gi-Oh. Toi ta gueule. Tiens, il y a Pavel qui voulait dire un truc, oui. Non, je réagissais par rapport à Card Captor Sakura, c'est tout. Ouais, et puis il y avait aussi Yu-Gi-Oh. Il y avait Yu-Gi-Oh qui était diffusé sur M6. Ah, mais c'est spécial quand même. Bah ouais, mais c'est quand même des animés. Yu-Gi-Oh, c'était bien. C'était, franchement, les voix françaises sur Yu-Gi-Oh, tiens, par exemple. Sans déconner. Bah oui. Non, mais moi perso, je préfère quand même la voix japonaise, puisque t'as la voix de Pegasus qui est juste tellement magique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Tsukishi Yu-Gi-Moto. Oui, oui, oui, oui. Comme ça, elle est géniale. Bon, sinon, c'est tout ce que t'avais à nous dire au niveau du club d'eau, Jerry? Ouais, je pense que c'est pas peine d'en dire plus. De toute façon, les dessins animés et tout ça, vous connaissez, y a pas... Bah oui, après on connaît tous les dessins animés, etc. et tout. Mais merci en tout cas, Jerry. C'était très intéressant. Merci, Jerry. Franchement, voilà. Même Dorothée a voulu revenir sur les écrans. Et puis, malheureusement, ça n'a pas continué. Malheureusement, la pauvre, elle a été abandonnée juste derrière après, alors qu'elle voulait revenir sur EDF1, si vous vous rappelez la chaîne. EDF1, c'est de base, c'est pas une vraie chaîne. Oui, c'est vrai, d'un autre côté, parce que vu les voix off qu'ils nous mettent dans les séries, c'est vraiment pas génial. On va passer à la dernière rubrique. Non, c'est vrai. On va passer à la dernière rubrique, celle de Pokémon avec Pavel. Pavel, tu es prêt? Ah, mais toujours, pas fou. Eh ben, on y va, c'est parti. Voici la rubrique de Pokémon avec Monsieur Pavel. La rubrique Pokémon. La rubrique Pokémon. Avec Pavel. Salut les gens, donc on va faire un petit changement par rapport à la dernière fois pour la rubrique Pokémon. Je vais pas faire une rubrique où je vais expliquer plusieurs choses, mais je vais animer plutôt un débat, c'est-à-dire je vais poser une question. Les autres chroniqueurs ici présents, donc là Fulio et les deux Zigoto, pourront réagir. Oui, parce qu'il y a Jerry qui est parti. Gros bisous, mon Jerry. Voilà. Gros bisous. Voilà, Jerry a dû partir. Bah oui, parce qu'il a une vie de famille d'un autre côté. Voilà, malheureusement. Nous, on est des vrais fans hardcore, tu vois. On est des warriors. On est des warriors. Lui, l'envie, pas nous. Et donc, Bafou, Ben et Benji pourront réagir. Et puis sur le chat, si vous voulez réagir, allez-y, voilà. Sur le chat. Il n'y a pas de souci, nous lirons vos commentaires aussi. Tout le monde réagit, tout le monde dit ce qu'il veut. Donc, je vais simplement la poser, la question simple, mais la question classique de Pokémon. Quel est votre Pokémon préféré? Oh, Zegali. Ouais, on l'a déjà dit, mais on s'en fout. On l'a déjà fait. Ah bah oui, d'accord. Ah bon, ok, tu veux le pot. Oui, on a déjà fait, mais après on n'a pas dit pourquoi. Vas-y, tiens, Ben. Oui, vas-y, Benji. Bon, moi j'en ai plusieurs, mais après mon préféré, ça reste Brasigali, Pokémon Feu Combat. Déjà, c'est plutôt pas mal. Ouais. Il pète la classe. Mais après, toi t'es un petit enfoiré, puisque lui, il va choisir un Pokémon légendaire. Donc moi, je reste dans la normale. Si tu veux que je dise un Pokémon non légendaire, on peut faire ça comme ça. Bon, légendaire, je sais qu'il y en a beaucoup que j'aime bien, même si j'apprécie particulièrement Lugia et puis Latios, que je trouve totalement stylé. Mais après, en non légendaire, voilà, mon dieu, ça fait longtemps que j'ai touché à Pokémon, moi. Je laisse Benji parler. D'accord, à mon avis, lui, c'est le rondoudou parce que ça ressemble à un boobs. Non. Encore plus petit, plus rond, plus heureuse. Mais non, ça, c'est le tout doudou. Le tout doudou, c'est le chewing-gum. Le rondoudou, c'est le boobs. Et après, le gros doudou, c'est le boobs de vieille dame. De comment ça s'appelle là de, comme Bafou, il nous disait, c'était les boobs de... Merde, comment il s'appelle là celle qui défend les animaux, là. Brigitte Bardot, voilà. Une réaction Non, mais qu'est-ce que tu veux... Oh, mon Dieu. Je vais pas comparer, j'ai pas été voir les scènes de Brigitte Bardot aussi. Mais je croyais que t'avais tout vu sur internet. Ouais, si vous avez pas connu. Oui, mais ça se trouve pas sur internet. Laisse continuer. Heureusement d'ailleurs. Du coup, toi, on t'a pas demandé, toi, c'est quoi ton Pokémon préféré? Moi? Ouais. Ah, Dracaufeu. Dracaufeu, oh, classique. Ouais. Classique. Ah oui, et pourtant je suis loin d'être un puriste de la première génération, mais Dracaufeu, le Dracaufeu, oui. Mais pourtant, Dracaufeu, il a pas des stats si exceptionnels. Non, mais il est classe, quoi. Merde. Niveau dragon, tu prends un Dratak. Dracaufeu n'est pas un dragon. Ah oui, c'est vrai, c'est juste un Pokémon vol. Ah non, il est feu vol, c'est pas un dragon, c'est un feu ouais, dragon. Ouais, c'est ça. On appelle ça. Feu vol. Mais moi, tout simplement, c'est parce qu'il y a le Dracaufeu Sachant dans l'anime, il est hyper badass en fait. Et ça m'a marqué quand j'étais gosse. Ah non, moi dans l'anime, le Dracaufeu il m'énervait puisqu'il servait tout le temps à rien. Comme le Ronflex. Le Ronflex et le Dracaufeu ils étaient useless. Dracaufeu c'est l'un de ses Pokémon les plus puissants, Sacha. Non. Son Pokémon le plus puissant, son Pokémon le plus puissant, c'est le Pikachu. Il a 8 attaques, le truc. 8 attaques? Ouais. Dracaufeu, il en a beaucoup plus dans l'animé. Hein. Dans l'animé? Non. Je regarde vite, je jure que c'est un des Pokémon qui a plus d'attaque dans l'animé. Arrête de télécharger ton film de cul, éteins-le. C'est ça. Bon, le temps que Pavé... Nous rappelons que le téléchargement est illégal. Voilà, on est d'accord. Bon, le temps que Pavel y règle de son côté, Pavel, tu me le diras en antenne. Moi, j'avais envie de dire mon Pokémon d'un autre côté. Parce que tout le monde l'a entendu sur Facebook, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, ça va... Attends, tu m'entends plus, là? Ah, Pavel, en fait, t'as un souci technique, on t'entend plus, Pavel. Bon, alors, salaud. Attendez, il y a Ben. Pavel, règle ton souci technique, reconnecte-toi, parce que t'as un souci technique, mon pote. Voilà, t'as un souci technique, ça marche pas. Si tu peux marquer le mumble, Ben, ça m'aiderait d'un autre côté. Je compte sur toi. Bon, sinon, pour ceux qui savaient pas, moi j'ai mon Pokémon préféré. Ah ouais, bah. Là ça revient pourtant. Attends. Et là tu m'entends, Pavel? Pavel, tu m'entends? Attends, il y en a un qui a plus de son. Eh bah, pourtant si, je suis désolé, c'est vrai que j'ai pas coupé Pavel. Donc oui, Pavel, t'avais un gros bug technique. Mais j'allais parler de mon Pokémon. Est-ce que je peux en parler vite fait? Vas-y. Vas-y, t'inquiète. Merci. Donc, par contre, je vais demander du silence parce que voilà, moi j'avais parlé d'un Pokémon que j'ai adoré, que j'avais fait une chanson sur Facebook. Pour ceux qui connaissent pas, j'ai envie de la faire en direct parce que j'ai envie de déconner. C'est le live du grand n'importe quoi. Donc j'ai envie de déconner. On voit que c'est la fin de soirée là, quand même. Hein? On voit quand même que c'est la fin de soirée là. Et on compte les cadavres de bouteilles. Bon, de cola, ok, mais bon, Bafou il se saoule au cola, donc. Ah, mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Y'a de la caféine! C'est une bonne chose. Oh oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Bon, alors attendez, j'essaie en train de trouver le. Alors, c'est ça, ouais. Ok, c'est bon, je me suis rappelé. Donnez tout votre cosmos! Ouais, donnez votre cosmos parce que je vais adorer. Allez, bon, allez, c'est parti. Juste, là, je vous fais la chanson, je vais vous couper les micros pour être tranquille, pour avoir mieux de la qualité pour moi, pour au niveau des oreilles. Donc, voilà la chanson de Rododou que j'avais fait, c'était, si je me rappelle bien, un truc comme ça. Je me promenais... Attends, c'est comment déjà? Attends, j'essaie de me rappeler des paroles, je m'en rappelle plus. Attends, c'est bon. Attends, Le micro n'est pas activé. Ah, je sais, le micro n'est pas activé, mais je m'en rappelle plus. J'étais en train de chercher. Le micro n'est pas activé, et là, t'es en train de ramer tout seul. Mais oui, je suis en train de chercher. J'étais en train de chercher. Non, je suis pas moitié à poil, je suis torse nu, il fait chaud. Merci pour le bruitage. C'était quoi déjà? Ah oui, c'est ça. Ça y est, je m'en rappelle, c'était ça. Je voulais bosser toute la journée sur un montage vidéo, parlant de la MJC, mais le PC avait chaud. Une petite boule toute rose est arrivée. Elle a chanté quelque chose et tout est réparé. Avec moi les gens. Voilà, j'avais envie de déconner là-dessus. Vas-y maintenant, Pavel, continue. Et on chante tous extrêmement faux. Ouais, oui, je sais. Non, mais c'est la soirée. Ça se remarque assez facilement. Je t'emmerde. On t'emmerde. Toi aussi, t'aurais pu chanter avec nous. Je disais pas ça pour Bafou, je disais ça pour les deux autres. Ah, merci, c'est gentil. Bon, vas-y, continue, Pavel. Mais tu sais bien que j'allais plus profond rester pour toi, Bafou, voyons. Mais je sais. Vas-y, continue, Pavel. Oui, donc je vais juste revenir par rapport à ce que je disais, je sais plus si c'est avec Ben ou Benji, par rapport au nombre d'attaques de Dracaufeu dans l'animé. Non, mais je parlais en même temps. Mais en même temps, qu'est-ce que tu voulais dire par en même temps? Tu sais, dans un combat, un Pokémon, il a maximum 4 attaques dans le jeu vidéo, d'accord? Oui. Dans l'animé, le Pikachu, il peut en avoir 8. Dans l'animé? Oui. Puisque moi, dans un animé, j'avais vu un combat, tu sais, contre un mec de la ligue, où le Pikachu lui disait vive attaque, reflet, éclair, fatale foudre, et les tacles, queue de fer, et il m'en manque. Là, je sèche. T'as dit éclair, fatale foudre, t'as pas dit tonnerre. Excusez-moi. Ok, bon, il en a minimum 7. Ok. Dans un même combat. Pour moi, le Dracaufeu, je l'ai pas encore vu à ce niveau-là. Alors, moi, je parlais en fait du nombre d'attaques en général dans l'anime en entier, en fait. Ouais, bah dans ce cas-là. Parce que si tu veux, ouais, le Dracaufeu, Pikachu, il s'égale, ouais. Pikachu a une dizaine d'attaques, et enfin, je sais plus si c'est 10 ou 11, et Dracaufeu, je viens de vérifier, il en connaît 17. Ouais, ok. Bon, le Dracaufeu est supérieur au Pikachu pour ce coup-là. Oui, mais le Dracaufeu de Sacha, il est badass, ce son. Ouais, mais je m'étais. Le fait qu'il soit totalement dissident et qu'il obéit jamais, j'avais toujours trouvé ça saoulant. Ça c'est à partir d'un moment dans les îles oranges en fait, à partir du bout d'un moment il obéit à Sacha en fait. Ouais, mais ça met un bout de temps. Oui, mais ça c'est parce qu'en fait il a évolué trop vite, c'est dès le moment où il évolue en étincelle qu'il devient complètement oui. dissident. Oui. Mais au moins pour ce coup-là, il y a vraiment de la Sacha Strat. Non mais Sacha Strat partout de toute façon. Hein. Non, puisque je me. Tu sais, au tout début, quand il combat Pierre, t'as l'infirmière qui lui propose une pierre foudre. Ouais. Mais oui. Si, je m'en rappelle, ouais. Et la pierre foudre, il la refuse. Oui. Et bah, du coup, la Sacha Strat ne fonctionne pas. Ouais. Non, mais le meilleur moment de la Sacha Strat, c'est quand il fait tonnerre sur Onyx. Et que ça marche, en plus. Ouais, mais moi, ce que je trouvais le mieux, c'était dans. Mince. Alors, je suis en train de parler tout bas. Les vraies passions, hein, comme vous pouvez entendre, c'est vraiment très passionnant. Oui, tu disais en fait. Non, la vraie Sacha Strat, c'est quand. Devin. Non, la vraie Sacha Strat, c'est quand il combat un écrémeux et que l'écrémeux il bourre la roulade et que le gars il bourre toujours la même attaque comme le écrémeux, sauf que ça fait rien. Ça, c'est la Sacha Strat. Voilà, et après, on s'étonne pourquoi. C'est de l'amitié et de. Bon, fait que je ferme ma gueule. Voilà, putain, ça y est. Il a enfin compris son utilité, le mec, c'est bien. Pour une fois qu'il fait une bonne blague. Attends, il a fait une bonne blague. Bonne blague, Michel. Bravo, il a fait une bonne blague pour une fois. Ouais. C'est magnifique, c'est formidable. Qui veut cookie to that man. Ouais. Je me rattraperai au prochain podcast, j'en ferai deux bonnes blagues. Oh, magnifique. Allez. Attention, il a. Non, sinon, moi, j'ai envie de dire quand même, excusez-moi, il y a Rondoudou que j'aime bien au niveau des Pokémon préférés, mais il y en a un autre que j'adore et que je suis en train de retrouver parce que je suis en train de rejouer au Pokémon version jaune, c'est Pikachu et je vous emmerde. Voilà, j'avais envie de le dire. Pourquoi le Pikachu ? Espèce de Kikou ! Bah oui, Kikou ! Mais je vous emmerde. 3000. Mais je vous emmerde. Qui coûte 5000. Mais j'adore. Jamais. Non mais j'adore ce petit Pokémon et je le trouve trop mignon et tout. Et puis la voix de Pikachu, elle est franchement. Mais la fille qui fait la voix de Pikachu, elle est. Ouais. Dans l'anime, il sert à quelque chose. Dans le jeu, il est inapte au concours, inapte au combat. Ah ouais, mais je confirme là-dessus. Pavel, par contre, ton portable, s'il te plaît, mets-le en avion parce que on a du retour de ton portable, Pavel. Vas-y. J'ai envie de dire à part dire Pika Pika Pikachu, la fille elle dit rien d'autre en fait. Ouais, d'un autre côté, c'est sûr. Pavel, on a de retour sur ton portable. Je l'ai mis en avion, mon portable. Ah bah, écarte-le, jette-le au bout de la pièce, mais en tout cas, fais quelque chose. Je vais pas le jeter, il y a une semaine, mais ça va pas, non. On s'en branle, vas-y, continue. Non, tu voulais parler Pokémon badass et de l'animé, t'as Junko ou Masko, au choix. Le Junko de Sacha, tu veux dire? Ouais. Ah, ça, c'est malheureusement, c'est une partie de l'animé que j'ai pas trop vu, en fait, donc... Je peux dire pourquoi il est badass ? Non, parce que faut que tu le vois, je peux pas l'expliquer. Mais j'ai pas le temps de regarder ça, franchement. Mais c'est pas compliqué, t'as juste 300 épisodes de 20 minutes. T'es bientôt en vacances, là. Et là, c'est pas comme sur Namek, là, c'est des vraies minutes. Voilà, en plus. Ah oui, on en parle du combat Son Goku contre Freezer qui dure... Avec les 5 minutes qui deviennent 3 minutes qui reviennent 5 minutes après, c'est ça? Ouais, à peu près. En sachant que le combat à partir des 5 minutes dure 5-6 épisodes, si je me plante pas. Bafou. Le combat de Freezer. Freezer Goku. Après que Freezer ait dit il te reste 5 minutes. Ouais, je crois que c'est 5-6 épisodes. Derrière, en sachant que le combat de Freezer en forme perfecte, il y a déjà 10 épisodes. Voilà, c'est ça. Voilà, donc paye ton combat. Mais après, le mieux, c'est la saga Boo. La saga Boo. Ah ouais. Ouais. Dès l'apparition de Boo, c'est un combat. Non, j'en viens sur le combat de Freezer. Si c'est 5 minutes, 3 minutes, c'est parce qu'en fait, le Dr. Wu, il s'est ramené, il a fait tout sa merde. Pavel, on a du retour. Pavel, nique-moi ton portable. Éteins-le, et fais quelque chose. Je suis devenu sourd. Ah ouais, mais moi aussi. La vie est bien sans entendre bafou, en fait. Oh l'enculé. Désolé. Mais en tout cas, voilà. Non, franchement, sans déconner. Non, mais ce que j'aime bien, c'est on était censé parler Pokémon et tout on de suite on arrive sur DBZ. On arrive sur DBZ, ouais, c'est vrai. Pourquoi DBZ est la source de tout. Ouais, c'est sûr. Non, mais sérieusement, quand même. Moi, j'ai envie de dire, voilà, le Pokémon, voilà. Moi, c'est Pikachu, c'est Rondoudou parce que c'est un boobs, voilà, avec Kirby, on est d'accord. Et puis l'évolution de Rondoudou en Rondoudou, c'est juste une augmentation de bonnet. Hein. On va répéter la blague du premier. Oui, mais c'est un taille F. Voilà. Mais non, mais le problème. Mais t'as vu la forme qu'il a. C'est un sein plongeant. C'est un fin de. C'est un sein de vieille. C'est dégueulasse. un grand toilette, ça s'appelle. Non, moi perso, je trouve plus qu'il a la forme d'un plug qu'autre chose. Oh, n'importe quoi. Si. C'est dégueulasse. Non, mais c'est dégueulasse. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. C'est dégueulasse quand même. C'est dégueulasse. Non, mais sinon, sans déconner. Sans déconner. Mais je sais comment. Ne t'inquiète pas, c'est juste que voilà. Non, mais sinon, sans déconner, il y a aussi un autre que j'aimais bien aussi qui était trop mignon, c'est Carapuce. Carapuce, il était bien. Ah, il était génial celui-là. En tortant qu'il était bien. Ah, en tortant, quoi, c'est clair. Bah, tiens, justement, j'ai vu une petite BD qui est très drôle que vous pouvez voir sur. Sur comment ça s'appelle ? Sur Troll de Geek, vous trouvez ça sur Facebook. Et en fait, en gros, t'as Tortank qui a deux canons et t'as Florizarre, etc. Et t'as Dracofeu, je sais plus qui fait mais c'est quoi mon évolution de merde là ? Franchement, c'est pas badass quoi, c'est nul quoi. Et franchement, c'est. Ah non, c'est non, j'ai vu le truc en fait, c'est Florizarre qui se plaint. C'est Florizarre, voilà. Non, mais de base, qui c'est qui prenait un Bulbizarre ? De base ? Personne ? Mais merci. Merci, oui, c'est vrai, t'as raison. Le plus prix, Pokémon F. Vagin. Ah. Mais en tout cas, voilà. Le plus prix, c'était Salamèche, alors que avec Salamèche, c'était plus compliqué pour faire les deux premières arènes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais même avec Tortank, le Tortank, tu le torchais la ligue. Ah, hein. Oh bah oui, largement, oui. Parce que je crois que c'était lui. Je crois que c'est lui qui avait la meilleure dev du jeu en plus. Dans les premières générations, celui qui avait la plus grande défense du jeu, c'était Ronflex. Ah oui, c'est vrai, il y avait Ronflex. Ouais, est-ce que j'avais oublié Ronflex. Ronflex, c'était le gros tank par excellence dans la première génération. Sachant que aujourd'hui, niveau def, je parle avec les EV, pour ceux qui savent ce que c'est. Ouais. On a Karakroc. Ah, Karakroc, oui. Karakroc, c'est juste le perso le plus craqué du jeu. Mais Karatroc, il a les deux défenses les plus élevées de tous les temps. Oui, en fait. Mais en fait, c'est un pote qui m'a appris à jouer comme ça. Tu lui mets poison, armure, abri, soin. T'as oui, gagné. C'est ce qu'on appelle un stoller en fait dans la stratégie Pokémon. Voilà, c'est ça, t'as gagné. Il est pas là pour faire des dégâts, il est là pour faire chier. C'est pas des dégâts directs. Du coup, à moins que tu joues avec un légendaire qui serait overcraqué, genre Arceus ou quelque chose d'autre, ou à moins que t'aies un Pokémon qui est. Arceus, c'est pas le plus craqué. Hein. Oui, je suis d'accord, je pense que le plus craqué ça doit être Deoxys. Non, maintenant à l'heure actuelle, le plus craqué c'est Mega Rayquaza. Mais. Ah oui, c'est vrai, on a eu le. Parce que Mega Rayquaza, il a quand même. Là, je vais parler un peu stratégie pour ceux qui connaissent les tiers stratégiques, tout ça. En fait, le tiers stratégique le plus haut à la base, c'est ce qu'on appelle les Uber. C'est là qu'il y a la plupart des Pokémon légendaires qui sont ultra puissants. Mega Rayquaza est carrément banni de l'Uber parce qu'il est trop puissant pour ça. Il est tout seul dans son propre tiers. Ah, ok. Bon. Bah, en tout cas, voilà. Tiers à quel point il est puissant. Ok. Très bien. Bah merci en tout cas pour ce petit débat. Franchement, c'était très sympa, mon cher Pavel. Bah, y a pas de souci. J'ai bien aimé. Sur ce, eh ben, je pense qu'on a terminé. Enfin, on est arrivé. Oh la vache, presque 3 heures de podcast. Putain, on a géré là. On a dépassé notre corps, mais quand ça sera monté, je pense qu'il fera on beaucoup. On baigne moins. Dans notre sueur là, on n'en peut plus. Il fera beaucoup. Quand moins. On enlèvera toutes les conneries, c'est ça ? Je précise, on baigne que dans la sueur. Oui, non, c'est vrai qu'il fait très très chaud dans le studio. Dans c'est vraiment. Sueur, et dans le cola ! Ah oui, non mais franchement, cola, c'est un sauna. Et c'est, franchement, ça va te faire plaisir, gamin, moi je te le dis. Allez, sur ce. Oh, mais j'attends que ça, mon gamin. Oh oui. Allez, sur ce, je remercie Ben et Benji pour tout ce qui est animé manga. Donc n'oubliez pas, il faut lire Naruto, il faut lire Clément, il faut lire Koloko no Basket et aussi regarder les animés, sauf Naruto, où franchement, ça devient de plus en plus débile. Et franchement, heureusement qu'il y a une fin à ça. Je remercie Takara qui a dû partir pour toutes ces informations sur les Vocaloids et sur Japan Expo. Je remercie Clens pour Douglas, Adam et Dr. Wu. Je remercie Tali pour tout ce qui est RPG Game of Thrones. N'oubliez pas, allez donc sur le forum qui sera marqué sur la page Facebook. Je remercie Jerry pour son petit dossier sur le Club Dorothée. Je te remercie, toi Pavel, en tout cas pour tout ce qui est débat sur les Pokémon, sur nos Pokémon préférés. Pas de problème. Sur ce, c'était le premier épisode 1.5. Merci aussi, Bafou, remarque. Oh, merci, c'est gentil. Voilà, oui. Faut le préciser, bien sûr. Oh, je te remercie. Mais en tout cas, je vous invite en tout cas d'aller voir Real Human, c'est 100% humain, ainsi que Avengers 2, quand il sortira en DVD, en VOD et en Blu-ray, oui. Juste pour flatter mon ego, je remercie une seule personne, moi-même. Non, je rigole. Oh la vache. Merci à toute l'équipe, c'était vraiment sympa. Ouais. Et puis merci à Bafou, même s'il a oublié les musiques. Non, c'est que j'ai pas eu le temps en fait, tu vois, parce qu'en même temps j'étais en train de régler les réglages entre toi et Benji, et c'était pas facile. Et la suite dans le prochain épisode. Mais oui, parce que je pense qu'il y aura un épisode 2, on aura mieux bossé pour faire le live, etc. Et tout. Cette fois-ci, ça durera pas 3 heures. Oh non, on va essayer de faire plus court. Ça en durera 4. Ou peut-être plus, on verra en tout cas. Allez, sur ce, c'était Another World épisode 1.5. Merci Pavel, merci Benji, merci Takanara, merci Clems, merci Ptali, merci Jerry, merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2. C'était l'émission 1.5. Ciao!